amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM. Bravo. Hey, c'est du courage. Eh oui, les radios libres sont de moins en moins nombreuses, sont de moins en moins libres. Alors c'est courageux de les écouter. Hein, ne le dites pas à vos voisins, hein, aux beaux-frères, aux patrons, à tout ça. Non, ouais. Si on écoute une radio libre, hein? Eh oui, Radio Paris Mort, Radio Paris Mort, Radio Paris est allemand, disait-on, dans les années 40, il y a longtemps, il y a longtemps. Ce soir, Mosaïque, nous sommes déjà le 23 juin 2023, regardez quand un peu. Enfin, le programme FI, nous n'arrêterons jamais de nous battre. Le mur de Berlin, 180 secondes par Julien Ferrand. Elisabeth Borne à La Réunion, le moment Meurice, sur France Inter. L'histoire du 1er mai, Cyrielle Chatelain, gouvernance de Borne et Macron. Institut La Boétie, Clément Guettet. Serge Faubert, la France est-elle encore une démocratie? Une question grave, ça. Serge Faubert, la France est-elle encore une démocratie? Mathilde Panot, les macronistes crée un précédent gravissime. Emmanuel Bompard, de la France Insoumise, sur BFM TV. BFM TV. In French. English. Comme on dit sur les radios libres, sur les radios locales. Ben oui, les radios locales, elles sont libres. Hein. Alors, elles parlent en français, bien sûr. Nous ne lâcherons jamais le combat contre la retraite à 64 ans. Les Chevaliers du Fiel. Les employés municipaux, et puis voilà, ce sera tout pour ce soir. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie. Que rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons, bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. La parole est à Monsieur David Guiraud. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues, après 6 mois de mobilisation, après 14 journées, de manifestations à un niveau rarement vu dans l'histoire de notre pays, nous sommes en effet venus vous affirmer que nous contesterons ligne par ligne chacun des textes de loi qui touchent à un cheveu de notre sécurité sociale et de notre retraite. Nous sommes venus vous affirmer que malgré tous vos efforts, tous vos coups bas, les magouilles, le mépris, l'arrogance, vous ne mettrez jamais fin à notre combat pour la sécurité sociale. Et j'ai entendu les arguments farfelu de Monsieur le ministre Attal, toujours la même embrouille. Je le cite, en conseil municipal, on n'a jamais voté contre un document comptable. Bah peut-être, mais moi, en conseil municipal, j'ai jamais vu s'aligner 10-49-3. J'ai jamais vu être piétiné le droit constitutionnel d'amendement. Ça, je l'ai jamais vu non plus en conseil municipal. La sécurité sociale, vous voulez la battre. Et c'est précisément ce que dit le texte aujourd'hui, au-delà de la comptabilité. Bah oui, il faut chercher l'information, mais elle est là, notamment dans les annexes. Les annexes nous disent qu'en 2022, au total, il y aura plus de 67 milliards d'euros d'exonération de cotisations. Et tout ça hors dispositif exceptionnel d'exonération. 17 milliards d'exonération, ne serait-ce que pour la branche vieillesse. Vous avez bien entendu, 67 milliards en un an. Je répète, 67 milliards en un an. Et vous avez le culot de justifier votre pitoyable réforme des retraites au nom d'un soi-disant déficit que vous creusez vous-même de 15 milliards en 5 ans. C'est-à-dire que vous avez fait partir en fumée 5 fois la somme demandée en à peine un an. Oui, c'est une certitude. Vous voulez le casser, ce système de retraite. Vous ne cherchez pas son équilibre. Vous cherchez sa désorganisation, son affaiblissement, et puis enfin sa chute, pour que les 800 milliards d'euros de la protection sociale qui ont été dans notre pays si longtemps préservés du capitalisme lui tombent dans les griffes. Et si nos hôpitaux s'écroulent, et si des urgences ferment en ce moment, c'est le cas dans ma circonscription à Waterloo, il n'y a plus de services d'urgence à partir de 20h, fini, parce qu'on manque de personnel. Bah, c'est précisément parce que vous êtes en train de détruire la cohérence et le financement de notre sécurité sociale. Vous êtes même capable de faire financer le plan de relance de l'État, qui est un plan de l'État, qui devrait être financé par l'État, en partie par les administrations de la sécurité sociale. Allez, 8 milliards d'euros supplémentaires vaporisés. Les trois quarts de la somme qui, soi-disant, serait les 15 milliards d'euros de déficit de la sécu sociale, dilapidés. Et pour quel motif? Depuis quand est-ce que les cotisations des travailleurs français devraient payer, je vous cite, le redressement de l'économie française? Le redressement de l'économie française, il y a les impôts pour ça. On ne dirait pas d'ailleurs qu'il y a les impôts, mais c'est compréhensible. Puisque vous avez délibérément réduit l'imposition des Français les plus fortunés, à tel point que l'Institut des politiques publiques vient de rendre une étude qui nous montre que les plus riches, les milliardaires français de ce pays, payent des taux d'impôts ridiculement faibles par rapport aux autres. Qui fait des efforts dans ce pays? Les classes moyennes, les classes populaires, j'y reviendrai. Et d'ailleurs, vous ne vous arrêtez pas dans le processus de démolition de la Sécu. Vous avez aussi transféré 135 milliards d'euros de dettes à la CADES, donc à la Sécurité sociale, pour lui faire peser sur les épaules des décisions politiques prises pendant le Covid. Et on peut en penser ce qu'on en veut. Mais c'est l'État qui devrait assumer ces décisions-là. C'est lui qui les a prises. Politiquement, c'est l'État, pas la Sécu, qui a décidé du confinement et de fermer le pays. Donc c'est lui qui doit payer la décision politique. Mais surtout parce que l'État, il paye que les intérêts de sa dette, il peut faire rouler la dette. Tandis que la Sécu, elle, à cause de ça, elle va devoir payer les intérêts de la dette et le total de la dette dans son intégralité. Voilà comment on casse aussi la capacité de financement de la Sécu sociale. Et après, on nous dit, après avoir détourné des centaines de milliards d'euros, issus du dur labeur de ceux qui font tourner ce pays, pour des aides qui concernent majoritairement les grandes entreprises, pas les petites, hein, parce qu'avec le nombre d'aides qui existe dans ce pays, c'est un labyrinthe. Un boulanger ou autre, il profite pas des aides directes et indirectes de l'État, c'est pas vrai. Ou si peu. Ces centaines de milliards d'euros, bam, perdus dans le grand patronat. On nous dit, vous inquiétez pas, on compense. Et ça aussi, c'est marqué dans les documents financiers. Vous compensez comment? Déjà pas dans son intégralité. Mais j'en ai parlé hier. Vous compensez avec un transfert gigantesque, jamais vu, de recettes de la TVA qui deviennent affectées à la Sécu sociale. Et cette année, c'est plus de 57 milliards d'euros issus de la TVA qui ont été transférés à la Sécu sociale. L'an prochain, on nous parle du même transfert gigantesque, 61 milliards d'euros. Alors on peut imaginer parfois une solidarité entre l'État et la Sécu, ça peut arriver. Mais là, ça prend des proportions folles. Entre 2013 et 2018, il y avait des transferts, mais c'était moins de 10 milliards d'euros de transfert de la TVA vers la Sécu. On peut dire, allez, passe pour la solidarité, pourquoi pas. Mais en 2019, non, c'est pas trop long le RN, parce que j'ai 15 minutes. Mais si vous suiviez les débats sur la Sécu sociale, parce qu'en fait vous en avez rien à faire, vous sauriez que j'ai 15 minutes de parole. Un peu de calme, s'il vous plaît. Cette année. Non, s'il vous plaît, merci de ne pas interpeller l'orateur. De 2013 à 2018, on transférait que 10 milliards, je disais. En 2019, par contre, il y a un changement de cap. 2019, c'était avant le Covid. En 2019, tout d'un coup, on passe brutalement à 46 milliards d'euros issus de la TVA transférés vers la Sécu sociale. Et voilà le plan que vous avez. Il est révélé. D'abord, vous empêchez la Sécurité sociale de se financer de manière autonome. Vous coupez volontairement le robinet avec les exonérations de cotisations. Et ensuite, puisque la Sécu manque de ressources, vous dites, vous arrivez et vous transformez son financement. Vous qui vous dites les défenseurs du travail et de la valeur du travail. Mais là, c'est plus la Sécu sociale, c'est plus le travail des Français qui alimente la Sécu sociale, c'est autre chose. La Sécu, elle est de moins en moins financée par les cotisations, elle est de plus en plus financée, à cause de vous, par des impôts qui n'ont rien à voir avec le travail. La TVA, c'est un impôt à la consommation, et en plus, c'est un impôt qui est injuste, qui est difficile. En ce moment, les Français, quand ils vont au supermarché, quand ils payent leurs factures, ils payent, ils voient la TVA, c'est dur. Ces ressources-là, elles ont augmenté parce que les prix ont augmenté. Vous faites financer vous faites reposer le financement de la Sécu sur ça. Donc vous faites payer aux classes populaires et aux classes moyennes les cadeaux que vous faites au grand patronat. Socialement, c'est malsain. Démocratiquement aussi, c'est malsain. Parce que ces budgets, ils n'ont pas à être imbriqués comme ça. Même Moscovici le dit. Ils n'ont pas à être imbriqués comme ça. C'est des budgets distincts. La Sécu sociale, les travailleurs cotisent pour assurer leur futur. L'État, la redistribution, la solidarité, c'est pas la même chose. Économiquement, même la Cour des comptes s'en inquiète. Je vais la citer, hein, c'est un rapport de février 2023. Ces affectations fragilisent l'objectif de soutenabilité des finances publiques, l'État se trouvant doté de ressources fiscales moindres pour financer un niveau équivalent de dépenses publiques. Parce que oui, en plus de ça, l'État y perd plus de 60 milliards dans l'opération. Presque le budget de l'éducation nationale. Normalement, cette somme considérable, elle aurait pu servir à protéger les Français en cas de choc, à faire la transition écologique, ou alors à faire tout simplement le réinvestissement des services publics. Mais non, cet argent est parti évaporé pour financer les exonérations. Et la question se pose, pourquoi vous faites ça? Mais parce que c'est votre combat historique. Avant d'être président de la République, Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». C'était pas la révolution bolchevique, hein. C'était la contre-révolution. Vous voulez créer, avec vos réformes, un salariat fragile, un salariat obéissant. Parce que vous ne tolérez pas les gens qui peuvent décider où et quand ils travaillent. Je prends un exemple simple. Devinette. Pendant le Covid, il y a deux classes de la population qui touchaient 100% de leur salaire. Assurés de toucher 100%, c'était qui? Les fonctionnaires. Les retraités, eux, ils font ce qu'ils veulent. Les fonctionnaires, les retraités, la paye, elle tombe à la fin du mois. Donc les retraités, ils travaillent. Dans ce que vous considérez qui n'est pas du travail marchand, ça rapporte pas assez de sous pour vous, mais c'est du travail. La garde d'enfants, c'est du travail. L'engagement associatif, c'est du travail. L'engagement culturel, c'est du travail. L'engagement sportif, c'est du travail. Mais ça, ça compte pas pour vous. Vous voulez qu'ils travaillent là où vous dites de leur travail, vous leur dites et vous leur ordonnez de travailler. Et plus vous allez repousser l'âge de départ à la retraite, et plus vous allez affaiblir économiquement toute une tranche de la population, notamment à partir de 60 ans, qui devra accepter les mauvais traitements et les métiers mal payés. Ça, c'est le premier objectif de votre casse de système de retraite et de la Sécu. Et puis aussi, vous voulez prendre le pouvoir sur la Sécu. Parce que pendant des années, la sécurité sociale a été gérée par les travailleurs. En 1945, le patronat n'a que 11% des sièges. Ensuite, dans les années 60, il y a le paritarisme, Pompidou, la droite, qui dit maintenant c'est 50-50. Donc le rapport de force entre les salariés et les patrons devient difficile. Et puis ensuite, dans les années 90, Juppé arrive et on fait ces lois de financement de la sécurité sociale, où l'État se mêle de choses dont il n'aurait pas à se mêler, c'est-à-dire l'argent collecté par les travailleurs et qui devrait être géré principalement par les travailleurs français de ce pays. Et après, votre objectif final, puisque vous faites financer par autre chose que le travail, c'est de donner toujours moins de valeur au travail. Le salaire brut est en train de considérablement diminuer. Le salaire net, pareil. Et à chaque fois que le salaire brut diminue, c'est le travail qui prend de la valeur en moins. Alors bien sûr, le Rassemblement National est pas très bavard là-dessus et m'écoute pas beaucoup, il préfère me hurler dessus. Mais je rappelle que c'est parce que le Rassemblement National, dans sa grande cohérence, a proposé quelques semaines avant la réforme des retraites de faire une loi d'exonération de cotisations sociales massives qui aurait grévé le pouvoir de la sécurité sociale. Alors bien sûr, vous êtes bavard. Bien sûr, mon raisonnement vous échappe. Ah, ça c'est clair. Vous qui proclamez être du côté des travailleurs, s'il vous plaît, ce que vous faites concrètement, c'est que vous passez votre temps à diminuer la valeur du travail. Vous passez votre temps à diminuer les cotisations sociales. Vous passez votre temps à casser l'autonomie des travailleurs français et des travailleurs de ce pays qui le font tourner. Et puis enfin, vous ne voulez pas que les gens aient le choix. Nous n'arrêterons pas de nous battre pour la retraite à 60 ans, parce que la retraite à 60 ans, ne vous en déplaise, c'est le fait d'avoir le temps de choisir, le temps de se demander quand la lumière commence à s'éteindre, quand on arrive au bout, de choisir ses activités et de se dire « est-ce que j'ai eu le temps de bien faire les choses ? Est-ce que j'ai eu le temps de prendre soin des miens ?» Dans la vie, on réussit pas tout, hein. Mais d'avoir le temps au moins d'essayer de bien faire les choses. Voilà ce que c'est le temps libéré par la retraite à 60 ans. C'est le temps du don à l'autre. C'est le temps du don de soi. C'est le plus beau des temps. C'est celui de la retraite à 60 ans. Voilà pourquoi, malgré toutes les protestations, tous les coups bas, jamais nous n'arrêterons de nous battre pour la retraite à 60 ans. Je vous remercie. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerres seigneurs et mères vainqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant les pendants d'un cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évite les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une pleurette. Et d'ave fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer. Le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Le mur de Berlin, souvent surnommé le mur de la honte, a été construit à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961 afin de séparer la partie ouest de Berlin et la partie est, c'est-à-dire la RFA soutenue par les États-Unis de la RDA soutenue par l'URSS. Ce mur de 155 km est un des symboles les plus marquants de la guerre froide. Le 8 mai 1945, après le suicide d'Hitler, l'Allemagne capitule et cela marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'Allemagne est alors découpée en quatre zones d'occupation, une zone soviétique à l'est et trois zones américaines, britanniques et françaises à l'ouest. La capitale allemande, Berlin, située en plein cœur de la zone soviétique, subit le même sort et est elle aussi découpée en quatre. Rapidement, les zones américaines, britanniques et françaises fusionnent, ne laissant que deux zones, Berlin-Est sous domination soviétique et Berlin-Ouest sous la domination des trois puissances citées précédemment. Grâce au soutien du plan Marshall, proposé par les États-Unis, la RFA et par conséquent Berlin-Ouest ont connu une forte croissance économique. Le niveau de vie des habitants est donc bien plus élevé que celui de Berlin-Est. C'est pour cela qu'une partie des habitants de la zone Est de la ville se laisse tenter à rejoindre l'Ouest afin de trouver du travail ou être mieux rémunéré. La main-d'œuvre la plus qualifiée de Berlin-Est, et notamment la plus jeune, profite de la facilité de passage entre les deux zones pour rejoindre l'Ouest, ce qui est un véritable aveu de l'échec du système soviétique. Pour y remédier, le gouvernement de la RDA, sous la pression de l'URSS, décide de fermer les différents points de passage entre les deux parties de la ville. Pendant la nuit du 12 au 13 août 1961, le gouvernement est-allemand et les soviétiques posent en secret des grillages et des barbelés tout autour de Berlin-Ouest. Au total, 14 500 militaires bloquent les voies de communication permettant de se rendre dans la zone occidentale de la ville. À partir de cette date, le mur de Berlin va être érigé, faisant drastiquement baisser le nombre de passages à l'ouest. Le mur avait la réputation, d'être quasi infranchissable, car on retrouvait en réalité deux murs de 3 à 4 mètres de haut. Entre les deux murs se trouvaient des patrouilles avec des chiens, des pylônes d'éclairage, ainsi que du sable pour révéler les traces de pas. On retrouvait également un fossé anti-véhicule. À l'est, les immeubles proches du mur étaient vidés pour que les habitants ne puissent se cacher et creuser des tunnels avec des fenêtres qui étaient murées. Le mur de la honte va choquer une grande partie de la planète. Le 28 juin 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy se rend à Berlin et prononce le célèbre discours « Ich bin ein Berliner » où il affiche son soutien aux Berlinois. Le 9 novembre 1989, 28 ans après avoir été construit, le mur de Berlin est ouvert. Cela intervient juste après que le dirigeant soviétique Gorbatchev annonce qu'il n'interviendra plus dans les affaires européennes. Au marteau, à la masse et à la pelleteuse, le mur est brisé. Des morceaux sont conservés et peints et sont désormais des lieux de mémoire, comme l'East Side Gallery. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée. Pour résumer, le mur de Berlin est construit la nuit du 12 au 13 août 1961 et restera en place jusqu'au 9 novembre 1989. Il est quasiment infranchissable et ceux qui tentent de le franchir sont abattus. Ce double mur empêchait les Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest. En 1963, Kennedy prononce le célèbre discours « Ich bin ein Berliner ». À sa chute, le 9 novembre 1989, des morceaux de mur sont conservés et décorés pour ne jamais oublier. Mon frère arrive d'Angleterre au train de 4h30. Passer 8 jours et se distraire, c'est bon parfois l'air du pays. Paraît que là-bas il y a des brumes, alors nous on a mis des fleurs. Ça fait joli et ça parfume, et puis ça rend de bonne humeur. Papa a mis son beau costume, maman ressemble à une mariée. Moi peu à peu je m'accoutume à mon faux col et mes souliers. Mon frère est plus doué que moi pour suivre des études. Il faut des aptitudes, des dons que je n'ai pas. Mon frère d'Angleterre. Il faut le voir parler à table. Nous on se tait, c'est plus normal. Ce qui se passe dans une étable, ça n'est pas très original. Original, c'est la manière qu'il a de regarder Suzy. Suzy a tout l'air de lui plaire, et c'est ça qui me réjouit. Je me faisais un peu de bile, j'avais peur qu'il ne veuille pas de Suzy dans notre famille. On doit s'épouser dans 3 mois. Mon frère, il a de l'instruction et de l'éducation, c'est quelqu'un de très bien. Et puis, je l'aime bien. Mon frère d'Angleterre. Comme c'est court une semaine, chacun le dit à la maison. Moi ça me fait beaucoup de peine, mais j'ai trouvé le temps trop long. Depuis le jour où la luzerne s'est couchée en dessous, Suzy, le pire c'était que sur la luzerne, mon frère était couché aussi. Ils n'ont rien su, et puis quoi dire, en Angleterre, c'est loin là-bas. Mon frère part, il doit s'instruire, Suzy aura besoin de moi. Mon frère retourne en Angleterre, et moi je reste ici, sur ma bonne vieille terre, avec Suzy. On parlera de toi, mon frère d'Angleterre. C'est l'heure où on peut mettre en pratique, des fois un journal, mais ça c'est une blague l'horaire, on va en pratique avec une chronique. Guillaume Meurice achève son séjour sur l'île de la Réunion. Il sera donc de retour lundi en direct avec nous. Je vous préviens, il était là en même temps que la première ministre, donc attention, ouvrez vos esgourdes, comme dirait Djoubaka. Salut les amis, écoutez, je suis toujours à la Réunion, je suis un petit peu désolé parce que j'aimerais bien être avec vous pour préparer notre transfert sur Radio Libertaire, enfin, la casse du lundi à 22h30, une fois tous les trimestres, parce que l'émission manque de régularité, selon eux. Mais bon, je suis loin, et quand on est loin de Paris, comme ça, on se sent un peu loin des institutions, des prises de décision, de l'action, et ça, c'est terrible. Et il y en a une qui a bien senti ça, c'est Elisabeth Borne. Et elle s'est dit, je peux pas laisser mon guigui comme ça dans un coin, bouge pas, j'arrive, qu'elle me fait. Et la voilà qui débarque à 10 minutes de chez moi, en toute discrétion, avec 850 policiers, des drones, des hélicoptères de combat et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Alors vachement surpris, parce qu'il n'était même pas au courant qu'il était ministre, et il faut bien avouer que nous non plus. C'est vrai que la vie est étonnante. Je suis donc allé à la rencontre de Babette dans la ville de Saint-Pierre ce matin, et c'est incroyable à quel point tout le monde l'aime. Il y a vraiment une Babette mania, les gens étaient euphoriques, ils chantaient. Pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. Bon, alors ça, c'est un chant d'accueil local, hein. C'est un maloya, on appelle ça, c'est du créole. La retraite, en fait, c'est un terme qui veut dire ici, Babette, on t'aime, hein. Tu sens bon la vanille et les épices et le Fabergé de Geoffroy Roux de Bézieux. Parce que je vous le dis, plein de gens étaient venus ce matin lui envoyer de l'amour à Babette. Non, là, ce que je trouve c'est qui est très grave, c'est qu'on touche le fond du fond. Moi, je me suis fait arrêter là un petit peu plus haut parce que j'avais une casserole. Un dispositif sonore portatif. Oui, oui. Et mon mari, lui, il a juste exprimé qu'il n'était pas content et on l'a aussi empêché de passer alors qu'il n'avait rien sur lui. Oui, alors il y a des petits couacs, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui aiment Babette. C'est dur de contenter tout le monde. C'est comme les pattes des mimosas de Romainville, quand il y a une sortie pour aller voir Vizorek en spectacle. Bah, tout le monde se bouscule, ça joue des coudes, et parfois les gens râlent. Alors oui, cette dame était en colère. Je pensais que Monsieur Darmanin, le chef des chefs, avait dit qu'on pouvait passer avec un couvercle. Donc là, c'est juste que ça me sidère. Darmanin, il a des casseroles aussi, lui. Il en a un paquet, des casseroles. Mais tout le gouvernement a des casseroles. Ouais, voyez, c'est pas de la casserolophobie, hein. Quand on voit celle que Dupont-Moretti a au cul, par exemple, il pourrait bosser chez Mobalpa, on le sait. Donc, il faut pas prendre mal les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est à quel point les gens aiment Babette. Ce monsieur, il était ému de la voir. On était ravis de la voir, mais apparemment, elle n'aime pas le peuple. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir en vrai?

à l'emplacement de ce parking que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. C'était une journée ensoleillée. Lucy et Albert Parsons étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux habits. Et la police, qui était aux ordres des capitaines d'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police. Et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici, à cet endroit, et les orateurs sont montés sur une charrette pour s'adresser à la foule. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe ? On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agent de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agences avaient s'infiltré parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation. Toutes celles et tous ceux qui défendent la République doivent donc être exemplaires. Ils doivent être intransigeants. Jamais ils ne doivent céder sur le plan des valeurs. Jamais ils ne doivent affaiblir nos institutions. Et sur ce point, Madame la Première Ministre, vous et votre gouvernement avez échoué. S'il vous plaît. La CFDT, la CGT, EFO, CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaire, la FSU, l'UNEF, la FAS, l'IDEL, la Voix lycéenne, le mouvement national lycéen sont unis. Et vous les avez ignorés. 7 Français sur 10 sont opposés à la réforme des retraites. Des millions d'entre eux ont marché dans la rue. Ils ont perdu des jours de travail et vous les avez méprisés. L'Assemblée nationale est opposée à cette réforme et par 2 fois, vous l'avez empêchée de voter. Alors le doute s'installe. Nos institutions fonctionnent-elles ? Suis-je réellement représentée ? À quoi cela sert de voter ? Au nom de qui le gouvernement prend-il des décisions ? Au nom des Français ou des marchés financiers ? Le doute se propage et mine peu à peu la confiance qui est le fondement même de notre République. Confiance entre le peuple et ses institutions, confiance entre les citoyens et leurs élus. Jaurès décrivait la République dans son discours à la jeunesse en 1903. La République, c'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer. La perte de confiance est toujours la première étape au démantèlement de l'état de droit. Elle est le ferment des régimes illibéraux. La confiance est donc aujourd'hui ce qu'il y a de plus précieux dans le fonctionnement de notre démocratie. Mais à chaque lit d'hôpital qui ferme, la confiance oscille. À chaque enfant confronté à une école sans moyens, la confiance vacille. À chaque nouvelle procédure judiciaire contre un membre de votre gouvernement, Madame la Première Ministre, la confiance faiblit. À chaque arrangement avec les usages de notre Assemblée, la confiance s'effrite. À chaque article de la Constitution utilisé contre les Français, la confiance trébuche. Ni vous, ni le Président ne vous comportez en garant des institutions.

sur tout le territoire. Et donc, c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Et évidemment, vous êtes les bienvenus, ainsi que tous les membres des groupes d'action, pour y participer, continuer cette réflexion. Ensuite, il va y avoir des allers-retours permanents entre la Fondation et le mouvement sur plusieurs façons. Jean-Luc Mélenchon vient de le dire déjà pour que ce soit le lieu de saisine quand on a des questions thématiques, philosophiques ou même d'ordre stratégique. Mais on veut que ce soit un lieu d'élaboration intellectuelle de haut niveau, où la pensée est libre, totalement libre, où on a quand même un cadre idéologique commun dont les principaux marqueurs sont dans l'avenir en commun. Évidemment, le matérialisme historique, Jean-Luc l'a dit, l'humanisme, l'écologie politique, le féminisme, l'antiracisme, et tout ça fait que c'est un lieu ouvert pour des universitaires, pour de jeunes chercheurs ou pour des militants politiques qui ont, par leur parcours, participé à cette réflexion. Et ils y seront les bienvenus, premièrement au sein de départements disciplinaires, donc la sociologie, l'histoire, la planification écologique, la philosophie. Ensuite, on voudrait que tout ça puisse permettre de mener des travaux transversaux pour ne pas rester cantonné chacun dans son domaine, mais qu'il y ait une production sur différents sujets avec des notes dont les premières sont d'ailleurs mises en ligne aujourd'hui et dont je peux vous en dévoiler certains thèmes. La sobriété énergétique, par exemple, l'utilisation du 49.3 et la façon dont ça questionne notre modèle démocratique, sur les super-profits, avec tout ce qui s'est passé depuis cet été et la bataille qu'on a menée dans le budget de l'État, et une première note également du groupe des économistes sur l'inflation, qui va donner lieu à un événement. Premier événement de l'Institut La Boétie, nouvelle version, ce jeudi 15 décembre, donc la semaine prochaine, où je ne vous donne pas l'entièreté du programme, mais où Aurélie Trouvé, notamment, est à la manœuvre, puisqu'elle est et économiste et députée, et qu'elle a convié autour de la table pour discuter de l'inflation, ni plus ni moins que Michel-Édouard Leclerc et d'autres invités, donc la discussion devrait être assez intéressante. Ensuite... Donc je vous ai parlé des départements qui sont animés par des binômes paritaires et qui vont eux-mêmes lancer des chaires, une à deux chaires par an, tenues par un ou une intellectuelle de haut niveau qui va dispenser des cours sur des sujets qu'ensuite, évidemment, on veillera à mettre en ligne pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Les laboratoires, ce seront les endroits où on travaillera de manière transdisciplinaire, où on essaiera de publier des notes. Là aussi, ça a été dit. Ou ensuite, c'est versé à la contribution au mouvement, donc à la coordination des espaces et au GA de manière plus large sur des options stratégiques qui peuvent s'offrir à nous, puisque là encore, la Fondation est un lieu de liberté de pensée. Et ensuite, c'est au mouvement de trancher potentiellement parmi une ou plusieurs options qui auront pu être questionnées dans ce lieu-là. On aura pour ce faire un conseil scientifique qui déterminera le programme de travail de l'année, les grands questionnements sur lesquels on devrait se pencher. On a une vision ambitieuse. Je vous dis quelques-uns des lieux de cette fondation. Le premier, c'est l'école de formation. Vous avez déjà reçu des informations à ce sujet en tant que militant dans les groupes d'action. Il nous semblait que c'était un des manques de la période précédente. Autant nous avions beaucoup investi l'auto-formation et des contenus argumentaires en ligne à disposition pendant la campagne présidentielle, comme aucun mouvement d'ailleurs ne l'a fait. Les 1500 pages du programme et les dizaines d'heures de vidéos cumulées, autant il nous semblait qu'il y avait une demande aussi de formation physique, en présentiel, avec les camarades au sein des groupes d'action, et donc vous pourrez solliciter ce type de formation auprès de l'école que nous ouvrons. Ensuite, l'organisation d'une école des cadres, alors... Le nom a questionné. Il ne s'agit pas de former des chefs, en effet, mais il s'agit quand même de former des gens qui veulent prendre au sein du mouvement des responsabilités et à qui on propose de dispenser une formation dense. C'est un week-end par mois pendant un an pour 70 personnes, à la fois sur le plan théorique et à la fois sur le plan pratique. Donc ça peut être des camarades du service d'ordre, des jeunes insoumis, des animateurs de GA ou des membres de GA qui ont envie de s'astreindre à ça et ensuite de pouvoir avoir des responsabilités et une formation très complète. Il nous semblait là aussi que c'était un manque. Enfin, troisième volet de formation, les cafés populaires qui là sont des réunions publiques que vous pouvez organiser. à l'inverse des formations qui sont des formations internes pour les groupes d'action. Donc les cafés populaires, un exemple, il nous semble qu'il serait bien de commencer par lancer une campagne nationale de cafés populaires sur la question des retraites, pour être prêt pour cette bataille qui arrive au mois de janvier, et que ainsi vous puissiez avec vos GA organiser des formations ouvertes à toutes et tous dans vos villes sur ce thème pour donner les arguments et pour mener la bataille idéologique. Dernier outil de la fondation que je voulais vous présenter, l'Académie Insoumise, puisque nous avons à cœur que ce soit un lieu et pour la pensée universitaire et pour ne pas perdre de vue notre besoin de culture. Jean-Luc Mélenchon a parlé d'Annie Ernaux. Il nous semble qu'il faut que les écrivains, les éditeurs, les cinéastes, les comédiens aient une place dans ce lieu. Et donc nous leur proposons d'avoir une réflexion sur des prix littéraires qu'on pourrait essayer de décerner, les prix insoumis, d'organiser des événements autour de la littérature, etc. Voilà ce que nous comptons faire avec cette Académie Insoumise. Et j'en termine sur les outils concrets. Je vous ai parlé du premier événement le 15 décembre. Le 5 février, ce sera l'événement de lancement à proprement parler, mais il était important pour nous de vous informer d'abord au cours de cette assemblée représentative du programme, puis de lancer formellement nos travaux à partir du 5 février. Et puis, nous avons beaucoup de projets pour l'année prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir notre nouveau site internet. On a un nouveau logo. Alors, je sais pas, il n'apparaît pas. Si, il apparaît derrière moi. Nouveau logo avec... Jean-Luc voudrait bien l'expliquer, avec le phi de la sagesse, en majuscule cette fois-ci, un ruban de Moebius, et donc une signification qui pour nous est très importante et que nous aurons d'autres occasions d'expliquer, mais sur la réciprocité, pensée, action, sur les liens entre l'humain et la nature. Et nous sommes assez fiers de toutes celles et ceux qui, vous le verrez au mois de février, ont accepté de participer à ces travaux. On espère que les militants des groupes d'action y trouveront leur place, soit en permettant d'organiser toutes les formations dont je vous ai parlé, soit de contribuer directement si ça vous intéressait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de travaux aujourd'hui, un bon appétit. Et puis, merci pour les encouragements et on espère que ce lieu, ce sera à la hauteur de ce qui nous attend. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Tout le monde sait dans cette salle que cette proposition est inconstitutionnelle. Si on vote sur cet article premier, il sera adopté. Ce qui se passe est ahurissant. Vous voulez leur faire avaler des anacondas. Ils sont prêts à tout. À tout, y compris le pire. À chaque étape, c'est un geste nouveau contre la démocratie. Ils ont été la béquille de la Macronie, maintenant ils sont le bras armé. Des menaces, des intimidations, des insultes, des manœuvres, des manigances, des tentatives de coups. C'est une insulte à la démocratie, mais c'est un jour tragique aussi pour notre institution, l'Assemblée nationale, mais plus largement pour le peuple français. Pour éviter de débattre à nouveau des retraites, le bloc présidentiel utilise tous les moyens au mépris des institutions. Je vous raconte comment. C'est le sommaire du numéro 42 du Bonbon de Serge. Ce qu'il s'est passé hier, mercredi, à l'Assemblée nationale dépasse le simple cadre de la réforme des retraites. C'est le parlementarisme qui a été tout simplement piétiné. On s'attendait bien sûr à une bataille au couteau entre le bloc présidentiel et les oppositions sur la proposition de loi déposée par le groupe Liot. Sa principale disposition, l'article 1, abroge en effet le report à 64 ans de l'âge de départ en retraite. Mais cet affrontement a échappé à toutes les règles. Avant d'être examiné dans l'hémicycle le 8 juin, le texte devait franchir le barrage de la Commission des affaires sociales. 73 députés qui ont toute latitude pour modifier ou supprimer des articles. C'est cette version enrichie ou amputée qui est ensuite soumise à l'ensemble des députés en séance publique. Hier donc, les députés du bloc présidentiel ont supprimé l'article 1. Alors, exprimé, donc tout le monde était présent, 73, pour 38, contre 34, abstention 1, et donc les amendements de suppression sont adoptés. En conséquence, l'article 1er est supprimé. Les députés Renaissance, Horizon et Modem estiment que la proposition de loi est inconstitutionnelle. Tout le monde sait dans cette salle que cette proposition est inconstitutionnelle. Les charges induites par l'article 1er de ce texte s'élèvent à 18 milliards d'euros par an. Le gage tabac à l'article 3... pour compenser les 18 milliards d'euros de charges supplémentaires est illusoire et irrecevable, comme l'a souligné le rapporteur général du budget. Quel est votre objectif ? Que les Français fument 5 fois, 10 fois, 20 fois plus pour financer leur retraite ? La proposition de loi du groupe Liot crée une charge pour les finances de l'État, dit Sylvain Maillard, ce qui est contraire à l'article 40 de la Constitution qui interdit aux députés de proposer des lois ou des amendements entraînant des dépenses. Jusque-là, le député de Paris a raison. Pour contourner cet obstacle, tous les députés, quelle que soit leur étiquette, gagent les dépenses. C'est-à-dire qu'ils proposent dans leur texte des recettes qui viendront compenser le coût des mesures qu'ils souhaitent voir adoptées. La pratique parlementaire veut que l'on fasse appel aux taxes sur le tabac. C'est ce que prévoit la proposition de loi du groupe Liot dans son article 3. Irrecevable, dit Sylvain Maillard. Ah bon ? Alors j'ai jeté un œil sur les textes en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale et je suis tombé sur une proposition de loi qui entend bâtir la société du bien vieillir en France. Elle est signée notamment par Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon, et Fadila Khattabi, la présidente Renaissance de la Commission des affaires sociales. Son examen a commencé au mois d'avril. Même si elles sont jugées insuffisantes par beaucoup, les mesures préconisées par la proposition bien vieillir entraîneront 8 à 10 milliards de dépenses nouvelles. Comment seront-elles financées? Regardons la proposition de loi. Oh surprise! Ce sont les taxes sur le tabac qui vont compenser cette charge nouvelle. Si l'on suit le raisonnement de Sylvain Maillard, ce texte n'aurait jamais dû venir dans l'hémicycle. Il est inconstitutionnel. Eh bien, figurez-vous qu'aucun député du bloc présidentiel n'a jugé ce texte irrecevable. Et sur le banc des oppositions, personne n'a émis de protestation, car c'est la pratique parlementaire depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Le bloc présidentiel a donc l'indignation constitutionnelle sélective. Cette utilisation de l'article 40 contre le texte Liot va faire jurisprudence. Désormais, la plupart des propositions de loi des députés, ce qu'on appelle l'initiative parlementaire, pourront être déclarées irrecevables, car elles entraînent des dépenses nouvelles. C'est donc une partie importante des attributions des députés qui est ainsi supprimée. Un mot au passage sur les circonstances de ce vote. Il n'a été acquis que grâce au renfort des députés républicains. Sur les 38 voix pour la suppression, 32 viennent du bloc présidentiel et 6 des 8 députés LR. Les soutiens du texte ayant recueilli 34 voix, il aurait suffi que 2 LR basculent pour que l'article 1 soit maintenu. C'est ici qu'entre en jeu un mécanisme peu connu du grand public. Les députés qui siègent dans la commission des affaires sociales, comme les autres commissions, sont choisis par le président de leur groupe. Celui-ci se comporte comme le sélectionneur d'une équipe de foot. En fonction du match, il aligne les joueurs qui lui semblent les plus adaptés pour contrer l'équipe adverse. Ça s'appelle le switch. À quoi sert un switch ? Il peut servir, quand on est député républicain, à museler une opposition potentielle. C'est ce que j'ai l'impression de sentir. Il peut servir, quand on est un député de l'opposition, et qu'on n'était pas certain d'être là, à être présent. Moi, j'ai un collègue, par exemple, ultramarin, qui est retenu loin d'ici. Eh bien, on a décidé de le remplacer pour nous assurer d'avoir l'ensemble de nos voix. C'est finalement une pratique assez logique et normale, notamment quand on a un vote qui va se jouer à quelques voix. Ça sert à museler les frondeurs, dit en substance Arthur Delaporte. De fait, 24 heures avant la réunion de la commission, le patron des députés LR, Olivier Marleix, a écarté 2 députés de son groupe qu'il jugeait peu fiables. Aucun secret, il suffit de consulter le journal officiel. C'est cette permutation qui a permis au bloc présidentiel de trouver une majorité pour supprimer l'article 1 de la proposition de loi du groupe Liot. Pour quel objectif ? En fin de journée, Charles de Courson expliquait la manœuvre. La minorité présidentielle avait une stratégie très simple. Voter contre l'article 1er, de façon à nous obliger, ce que je ferai, je redéposerai un amendement pour rétablir l'article 1er et à ce moment-là demander à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de déclarer cet amendement contraire à l'article 40. C'est ça la manœuvre. Elle est toujours la même, tout faire pour qu'on ne vote pas sur l'article 1er tel qu'il avait été déposé par notre groupe, car ils savent pertinemment que si on vote sur cet article 1er, il sera adopté. Le déni de démocratie continue. Eh bien, jusqu'au bout, nous nous battrons contre ce déni de démocratie. Vous avez compris le traquenard. Les macronistes et les LR suppriment l'article 1 en commission. Charles de Courson le rétablit par un amendement, ce qui permet à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, d'intervenir et de le déclarer irrecevable. Mais le désastre démocratique ne s'arrête pas là. Sur instruction de Yaël Braun-Pivet, la présidente de la Commission des affaires sociales, Fadila Khattabi, a écarté plus d'un millier d'amendements déposés par l'opposition. Il y a une volonté d'obstruction qui est vraiment flagrante, je dis bien flagrante, avec le dépôt de plus de 1000 sous-amendements. Donc au regard de l'article 41, et après en avoir discuté également avec la présidente de l'Assemblée nationale, et au regard de cette obstruction vraiment flagrante, nous allons poursuivre l'examen du texte sans examiner les 1000 et quelques sous-amendements qui ont été déposés. Vous voulez faire croire, non pas des couleuvres aux Français, mais vous voulez leur faire croire et leur faire avaler des anacondas. C'est tellement énorme. 1300 sous-amendements déposés. Ce qui a provoqué un tonnerre de protestations. Ce qui se passe est ahurissant. C'est-à-dire que la discussion que nous avons eue portait sur la décision que vous avez prise de ne pas examiner l'ensemble des amendements que nous déposons. Donc c'est le déni du droit élémentaire des parlementaires à déposer des amendements. Ce après quoi vous soumettez au vote un amendement sans qu'il y ait aucune explication de vote. C'est du jamais vu, Madame la Présidente. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Comprenez notre colère. Soyons honnêtes. Il s'agissait pour les oppositions de sauver le texte de la proposition de loi en faisant traîner les débats. La procédure législative prévoit que si la commission n'a pu terminer l'examen de la proposition de loi, les députés se prononceront en séance publique sur le texte tel qu'il a été déposé par ses auteurs. Voilà pourquoi la NUPES a fait pleuvoir les amendements. On a compris le danger. Si un président de commission peut supprimer n'importe quel amendement au motif qu'il estime être en présence d'une tentative d'obstruction, c'est la fin du débat démocratique. Écœurés, les députés de la NUPES ont claqué la porte de la commission en début d'après-midi. Donc la seule arme qui nous est restée aujourd'hui est de partir de cette commission pour en dénoncer le caractère factice. Mais que je voudrais vraiment alerter sur les dangers que nous courons aujourd'hui parce que cette ligne rouge servira de jurisprudence et que nous risquons dans l'avenir de payer extrêmement cher la décision de la présidente de la Commission des affaires sociales et de la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils sont prêts à tout, y compris le pire, pour ne pas perdre. C'est une insulte à la démocratie, mais c'est un jour tragique aussi pour notre institution, l'Assemblée nationale, mais plus largement pour le peuple français. Ce qu'attendaient les concitoyens, c'était un vote. Ce qu'ils ont vu aujourd'hui, c'est une mascarade. C'est une mascarade qui n'utilise même pas les règles pour écraser la démocratie. Elle invente du droit, elle invente une règle. Elle nous écrase nous-mêmes dans notre capacité d'écrire la loi. À chaque étape, c'est un geste nouveau contre la démocratie et un geste nouveau d'abaissement du Parlement. Franchement, non seulement c'est insupportable, mais c'est inquiétant pour la suite et pour le fonctionnement même de nos institutions, où déjà le Parlement est largement abaissé et où l'exécutif a le dessus, le gouvernement, le dessus en permanence avec le président de la République. Le bloc présidentiel, lui, préfère se poser en victime. Nous nous sommes restés calmes, droits, sereins, et nous avons subi des menaces, des intimidations, des insultes, des manœuvres, des manigances, des tentatives de coups, et nous avons juste répondu par la démocratie, c'est-à-dire par le vote. Mais systématiquement, vous entendez des insultes. Bah vous le verrez, nous avons des vidéos, nous les publions progressivement. Donc tout cela est malheureusement documenté. Le fait de vouloir venir menacer, intimider la présidente de la Commission des affaires sociales en se levant, en venant le plus proche d'elle, avec une dizaine, quinzaine de parlementaires pour chercher à l'intimider. Et le RN là-dedans? Entre la majorité qui essaye de passer en force et la NUPES qui déserte. Tout le monde est parti alors qu'on aurait pu faire tomber ce texte et l'article 2. Ben voilà, la NUPES a déserté. On peut quand même s'arrêter deux secondes sur l'attitude évidemment des LR. Vous avez bien vu que jusqu'alors ils étaient la béquille. Ils ont été la béquille de la Macronie. Maintenant ils sont le bras armé de la Macronie. C'est évidemment plus qu'une variable d'ajustement. Laure Lavalette a bien tort de se plaindre. En brutalisant continuellement le Parlement et les institutions de la République, l'exécutif et ses courroies de transmission ouvrent la voie à un régime autoritaire, un régime illibéral, comme se plaît à dire le chef de l'État lorsqu'il évoque la Hongrie ou la Pologne. Si elle venait un jour à s'asseoir dans le fauteuil occupé par Emmanuel Macron, Marine Le Pen n'aurait pas grand-chose à faire pour s'y trouver à l'aise. L'essentiel du boulot est déjà fait. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Et si vous rajoutez un pouce, nous serons comblés. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous ne manquerez aucun de nos contenus. Mercredi 7 juin à 18h30, nous organisons sur cette même chaîne une foire aux questions sur la proposition de loi Liot qui sera examinée le lendemain. On essaiera de faire un peu d'analyse et de prospective. Et pour que la chaîne continue, nous avons besoin de votre soutien financier. C'est sur Donorbox que ça se passe. Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent déjà. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Pôle Express. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, petit Papa Noël. La question qui se pose, c'est est-on encore en démocratie quand une présidente de commission peut se permettre de passer par-delà la Constitution sur le droit constitutionnel qu'ont les députés à amender ou à sous-amender. Je le dis avec une forme de gravité parce que ce qu'on observe depuis des mois dans notre pays, avec une Macronie qui ne cesse de parler de respect des institutions, qui ne cesse de parler de démocratie, alors qu'il passe sur une immense majorité de Français qui ont exprimé de toutes les manières possibles qu'ils étaient contre cette réforme, sur l'intersyndicale dans son entièreté qui était contre cette réforme, sur le vote du Parlement dont je rappelle que la Première ministre avait dit que le compte n'y était pas, d'où le fait d'utiliser le 49-3. Avec un nombre d'outils autoritaires, maintenant, ils ont déjà utilisé le 49-3, le 47-1 qui permet de limiter le temps de débat et d'utiliser le 49-3, le 44-2 qui permet de supprimer beaucoup des amendements, le 44-3 qui permet de faire un vote bloqué, désormais l'article 40, avec en plus une mise en cause du président de la Commission des Finances qui s'appuie pourtant sur une jurisprudence extrêmement longue sur cette question. Et là, que s'est-il passé en commission? Il faut que tout le monde comprenne. Lorsqu'ils votent contre l'article 1, qui est pourtant voulu par la majorité de Français, et qu'ils votent contre la suppression, donc pour garder l'article 2, que va-t-il se passer? Il faut que les Français et les Françaises comprennent. Lorsque vous avez un passage en commission, si le texte est modifié, alors il arrive modifié en séance. Et s'il arrive modifié en séance, cela veut dire que le 8 juin, ce qu'espèrent les macronistes, parce que maintenant nous pouvons le dire, Ce qu'espèrent les macronistes, c'est qu'il n'y ait plus que la conférence de financement dans ce texte. Or, nous ne sommes pas d'accord avec une conférence de financement sans abroger la retraite à 64 ans. Et que vont-ils faire après, lorsque nous rétablirons l'article 1, comme c'est notre droit par amendement? À ce moment-là, Yaël Braun-Pivet, sous pression de l'exécutif, utiliserait l'article 40, qui interdit de faire des dépenses, pour supprimer cet amendement et faire en sorte que jamais ne soit discuté dans l'hémicycle l'abrogation de 64 ans de la retraite qui est voulue par tant de gens dans ce pays. Donc ce sont des petites manœuvres politiciennes avec en plus un déni complet sur la séparation des pouvoirs, puisque vous avez entendu des ministres expliquer qu'il ne fallait pas voter ce texte. Vous avez un exécutif et un gouvernement qui se mêlent d'absolument tout. Nous n'avons jamais vu ça, même dans la Ve République, que nous critiquons tant. Jamais, jamais ça ne s'est passé. Et je voudrais alerter sur à quel point c'est grave, à quel point ça crée des précédents dangereux. Si on écoute les précédents qu'ils sont en train de créer, alors il n'y a plus d'initiative parlementaire possible avec des propositions de loi déposées. Alors il n'y a plus de droit d'amendement des parlementaires possible. Et c'est une question de démocratie parlementaire essentielle. Nous sommes toutes et tous ici représentants du peuple. Nous voulons voter contre la retraite à 64 ans. Et que fait la Macronie? Ils utilisent, y compris des choses, pour le coup, anticonstitutionnel, puisque c'est vraiment ce qui est en train de se passer, pour essayer de faire en sorte que ce vote échoue. Je vous le dis, il y a alerte dans la demeure, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, et s'ils sont les premiers à dénigrer comme ils le font tout le temps, eh bien je dois le dire que les seuls ici qui sont responsables, les seuls qui représentons une alternative politique crédible et surtout démocrate, eh bien c'est aujourd'hui la NUPES, et les macronistes ont dévoilé leur vrai visage. Ils n'aiment pas la démocratie, ils sont antidémocrates et ils sont dangereux pour notre pays. Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir. Monsieur le Président, je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand? Monsieur le Président, si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinent, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le Président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armée d'une feuille à quatre, alors à une prochaine. Ouais, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. En gros, vous êtes le patron. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. On va revenir évidemment sur cette journée qui commence dans une demi-heure, dans l'hémicycle. Et honnêtement, on se demande un peu pourquoi. Bah, on se demande pas pourquoi. Normalement, il y a une niche du groupe Liotte. Le groupe Liotte a fait le choix de déposer à l'intérieur de cette niche parlementaire une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Et nous allons pouvoir en discuter. Enfin, vous allez pouvoir en discuter. Il y a plus grand chose dedans, quand même. Enfin, en tout cas, il y a plus que vous vouliez proposition... qu'il y ait dedans, quoi. Bon, alors, on va pouvoir discuter de la proposition de loi. Dans cette proposition de loi, initialement, il y avait l'abrogation de la retraite à 64 ans. Et la présidente de l'Assemblée nationale, que j'ai vu hier d'ailleurs sur votre antenne. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu une comédie d'une aussi mauvaise facture. Elle vient, la main sur le cœur, nous dire « Moi, présidente de l'Assemblée nationale, j'applique les règles ». Mais c'est une mauvaise plaisanterie. On a le droit dans ce pays de pouvoir voter à l'Assemblée nationale pour savoir si la majorité des députés sont favorables ou pas à l'abrogation de la retraite à 64 ans. On a quand même le droit de le faire. Et alors elle estime qu'en vertu de l'article 40, qui empêche qu'une proposition de loi, c'est-à-dire une loi qui émane des députés, rajoute des dépenses, en vertu de cet article, elle estime que c'était pas constitutionnel. Mais c'est une plaisanterie. Madame Braun-Pivet, qui préside le bureau de l'Assemblée nationale, à la fin du mois d'avril, a accepté le dépôt de cette proposition de loi, donc a accepté sa recevabilité, à la fin du mois d'avril. Et depuis, elle a changé d'avis. Pourquoi elle a changé d'avis? Parce que le président de la République lui a mis la pression. En vérité, en prenant cette décision, je le dis de manière solennelle, Madame Braun-Pivet n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Elle est une sorte de bon petit soldat qui applique à la lettre les consignes du président de la République. Et ça, je vais vous le dire, Madame Apolline de Malherbe, c'est extrêmement grave. Parce que dans notre pays, il y a quelque chose qui s'appelle la Constitution. La Constitution. Dans cette Constitution, notamment dans le préambule de la Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et un des principes qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Principe de la séparation des pouvoirs, on l'apprend au collège en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir législatif, il n'est pas sous la coupe du pouvoir exécutif, que les députés, ils peuvent délibérer librement. Et vous estimez qu'elle a bafoué ce principe fondamental. Vous estimez même qu'elle n'a plus la légitimité. C'est-à-dire que quand vous allez la voir au perchoir, comme on dit, c'est-à-dire lorsqu'elle est en train de présider une séance, vous n'aurez pas pour elle les attentions ou les égards que vous devriez avoir à l'endroit d'une présidente de l'Assemblée. Pour vous, elle n'est plus présidente. Mais écoutez, la présidente de l'Assemblée nationale, son rôle, c'est d'être la garante de la protection du pouvoir des parlementaires, des droits des parlementaires. C'est ça son rôle. Elle nous représente, même si elle n'est pas de mon étiquette politique, elle est censée nous représenter tous les députés, défendre nos droits, défendre notre pouvoir d'amendement. Elle vous a pas beaucoup défendu hier. Vous étiez souvent dans sa cible. Elle parle même à votre endroit de pompier pyromane à propos de mais LSU. Enfin, écoutez, d'abord, je veux vous dire, contrairement à ce que j'entends d'ailleurs depuis plusieurs jours sur les plateaux de télévision, ce n'est pas vrai que Madame Braun-Pivet respecte le droit, respecte la Constitution et respecte les règles. Parce que si c'est le cas, vous allez me dire en vertu de quel article, par exemple, du règlement de l'Assemblée nationale ou de la Constitution, elle peut décider, avec la présidente des affaires sociales de l'Assemblée nationale, de refuser à des parlementaires d'amender. En vertu de quel article? En vertu de quel article de la Constitution? En vertu de quel article du règlement intérieur elle peut prendre une telle décision? Aucun. Strictement aucun. L'article 44 de la Constitution... Comment ça va se passer tout à l'heure quand vous allez rentrer dans l'hémicycle? Je pense que quand on va rentrer dans l'hémicycle, d'abord, le groupe Liotte, puisqu'il est dépositaire de cette proposition de loi, va présenter son intention, son objectif. Ensuite, chaque groupe parlementaire pourra dire qu'est-ce qu'il avait l'intention de voter sur ce sujet et nous demanderons des explications. Donc vous allez faire un faux vote? Enfin, vous allez non, nous allons faire comme s'il y avait un vote? Non, nous allons demander des explications. Nous allons demander, puisque c'est notre droit, l'article, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous permet, par exemple, de demander des explications écrites sur chaque amendement qui a été jugé irrecevable. Donc nous allons demander, en vertu de quel règlement, en vertu de quel article, cet amendement a alors été jugé irrecevable. Alors que je demandais hier à Yael Braun-Pivet, je parlais de la question du vote, et je disais finalement il n'y aura donc pas eu de vote sur cette question de l'allongement du temps de travail jusqu'à 64 ans. Elle me disait, oui, mais c'est pas de notre faute, c'est parce que LFI, notamment, qui crie aujourd'hui au fait qu'il n'y ait pas de vote, a déposé trop d'amendements exprès pour pas qu'il y ait de vote. Mais c'est pas complètement faux. Mais Apolline de Malherbe, c'est la France insoumise qui a utilisé l'article 49.3 de la Constitution. Non, mais en fait, chacun, il y a eu des morceaux. En fait, non, c'est une pièce qui morceaux. Se joue. Il y a pas de morceaux. C'est une pièce qui se joue en plusieurs actes. Non, et c'est il y a pas eu une certains pièce, actes c'est où pas un vous-même jeu. À LFI, vous ne vouliez pas qu'il y ait de vote. Alors attendez, je vais vous répondre. Mais d'abord, je veux dire, c'est pas une pièce, c'est pas un jeu. On joue pas. On parle de la vie des gens. On parle de 2 ans de vie à la retraite pour des gens. Non, mais ça, c'est un mauvais procès. Non, je suis pas un mauvais procès. C'est pas un jeu. Moi, je joue pas. C'est un jeu. C'est en tout cas, ça s'est passé en plusieurs étapes, en plusieurs chapitres, si vous préférez. Mais sur le fond, lorsqu'elle dit qu'il y a des moments où vous ne vouliez pas de vote, c'est vrai, c'était même revendiqué par Jean-Luc Mélenchon. J'ai sous les yeux son tweet à l'époque. Il avait reproché au Parti communiste, membre de la NUPES, d'avoir retiré des amendements. Et il dit, pourquoi se précipiter à l'article 7, c'est-à-dire celui sur le passage de 62 à 64 ans? Le reste de la loi ne compte donc pas. Hâte de se faire battre. Alors, ça veut dire qu'il avait peur que vous vous fassiez battre. Si vous voulez bien, ce qu'on va faire, c'est que, puisque vous avez dit qu'il y avait plusieurs épisodes, on va reprendre l'histoire depuis le début. Allez-y. Rapidement, hein. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement avait l'intention de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Il aurait pu le faire dans une proposition de loi classique, une procédure parlementaire classique. Il a choisi une formule accélérée. Il a choisi une formule qui s'appelle le recours à l'article 47.1 de la Constitution pour comprimer. On est tous devenus des grands spécialistes de la Constitution. C'est peut-être le point positif de cette séquence. Donc, il a comprimé le temps du débat parlementaire en nous forçant à avoir 9 jours de débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais sachant cela, vous avez malgré tout déposé des milliers d'amendements. Et je le revendique et je l'assume. Et vous l'avez assumé en disant que vous aviez peur de vous faire battre. Non, pas que j'avais peur de me faire battre. Je revendique. Enfin, le mot n'est pas loin, il est de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, moi je vais vous dire quelque chose. Je revendique le fait de ne pas être entré dans le cadre qu'avait voulu nous imposer le président de la République en disant on va expédier ça en quelques jours pour pas permettre à la résistance sociale dans le pays de se déployer. Et oui, à ce moment-là de l'examen du texte, en faisant en sorte que le débat dure le plus longtemps possible, on a laissé le temps à la mobilisation sociale de se déployer. Mais à la fin, c'est pas moi qui, en dernière lecture, parce qu'en tout état de cause, il y aurait eu un vote en dernière lecture, normalement. C'est pas moi qui ai eu recours à l'article 49.3 tout de à la fait. Constitution. C'est le deuxième chapitre. C'est pas moi qui si est en train d'empêcher les députés de voter aujourd'hui sur une proposition d'abrogation de la réforme des retraites. C'est pas moi qui est en train de le faire. Et d'ailleurs, le député Éric Coquerel de la France Insoumise, qui préside la commission des finances, l'a jugé aussi souhaitait recevable. Que cet article soit effectivement examiné. Attendez, juste une et chose, voté. Apolline de Malherbe, juste une chose. La Constitution, le fonctionnement parlementaire, les macronistes peuvent pas jouer avec comme ils veulent. Voilà. Donc là, il y a des lignes rouges qui sont franchies et qui sont inacceptables. Et c'est pas seulement moi qui devrais m'indigner. Les conséquences, elles vont être... D'abord, c'est du point de vue pour les Françaises et les Français. Vous savez très bien quelles sont les conséquences. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a élu des députés... Ils se disent ça, mais ils vont plus vraiment dans la rue. Non mais attendez, ça on non, va mais en parler. Ça on va en parler. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les Français eux-mêmes attendez, ne sont vous pas m'avez forcément posé une question. Devenus je vais vous répondre, je vous pour promets. Cette réforme en un jour, mais ils sont un peu passés à autre chose. Ah, je vais vous répondre sur ce sujet, je vous promets. Mais d'abord, je veux vous dire, vous m'avez demandé quelles vont être les conséquences. D'abord, ça abîme la démocratie. Parce que les gens se disent, je vais voter pour des députés. En fait, ces députés, ils peuvent pas voter ensuite. Quelle va être notre réponse? Je vous dis, il ne devrait pas y avoir que nous qui réagissons sur ce sujet. Les lignes rouges qui sont franchies du point de vue du respect de nos règles élémentaires qui permettent le fonctionnement normal d'une démocratie, ça inquiète beaucoup de gens, pas seulement la France insoumise. Donc nous l'avons dit, nous allons le faire, nous allons saisir le Conseil d'État, nous allons saisir les institutions internationales, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, en leur disant « Attention, ce qui se passe en France est une dérive grave. On est sorti d'un cadre républicain normal. On est dans une monarchie présidentielle absolue où le président de la République tout seul peut décider contre vous tout le monde. » Vous espérez que la France puisse être carrément pointée du doigt, voire condamnée pour un problème de régime? Mais elle l'est déjà. La France, elle l'est déjà. Il y a déjà eu des institutions internationales qui ont dit « attention ». Alors, c'était plutôt sur la manière avec laquelle a été encadrée, devrais-je dire réprimée, la mobilisation sociale dans ce pays. Le Conseil de l'Europe, des commissions de l'ONU ont dit « attention, mais là, ce qui se Emmanuel passe en Macron France lui-même est pas normal ». Pourrait être visé. Non, mais c'est pas Emmanuel Macron, bien usage, sûr qu'il est visé. Pour son usage de nous allons du régime, comme le droit nous le permet, Apolline de Malherbe, dans notre pays, vous avez des recours nationaux, c'est le Conseil d'État, et quand toutes les voies de recours nationaux sont expirées, vous avez des possibilités de recours auprès notamment de la Cour européenne des droits de l'homme pour dire ce qui se passe n'est pas respectueux des règles élémentaires dans lesquelles devrait fonctionner une démocratie. Ça, c'est tout la partie simplement. Juridique. Dans l'Assemblée, il y a encore une bataille politique. Vous estimez pouvoir la mener avec une motion de censure? Bien sûr. Ça, c'est la réponse institutionnelle. L'exécutif puisque la motion de censure, ça vise à censurer l'exécutif. L'exécutif a outrepassé son rôle. Quand vous avez une ministre, une secrétaire d'État, en l'occurrence, du gouvernement, qui vient sur un plateau de télévision et qui dit « on fera tout ce qu'il est en notre capacité pour empêcher le vote », mais je suis désolé de vous le dire, l'exécutif n'a pas à s'immiscer dans la manière avec laquelle s'organise le débat parlementaire en France. Donc nous déposerons une motion de censure avec tous ceux qui veulent la déposer. Nous la déposerons parce que nous considérons que ce qui s'est passé est que la Constitution a été piétinée, les droits des parlementaires sont piétinés et donc nous réagissons par une motion de censure. Et je pose la question, quand vous voyez qu'il y a finalement assez peu de monde dans les rues mardi lors de la 14e journée de mobilisation. Est-ce que vous vous dites pas, bon, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose? Alors, d'abord, je pense que c'est vrai qu'il y avait moins de monde, je ne le conteste pas, que les fois précédentes. Je pense qu'il faut pas non plus mépriser des mobilisations de 300 000 selon la police ou 900 000 personnes selon mais les minimum, organisations syndicales. Et quand il y en a moins, ça veut dire qu'il y en a une partie, en tout cas, qui a renoncé. C'est un fait qu'il y a eu moins de monde. Ce que je vous dis, c'est que c'est quand même des centaines de milliers de personnes. Après, comme vous l'avez dit vous-même, 15 journées d'action, après 6 mois de mobilisation, dans un contexte extrêmement dur d'un point de vue social, avec l'inflation sur les prix alimentaires. Les gens ont des difficultés. C'était la 14e journée, il n'y en aura pas 15, il n'y en aura pas 16. La question à Pauline de Malherbe, c'est est-ce que vous avez l'impression que les gens ont été convaincus, que les gens sont d'accord encore avec cette réforme? Encore une fois, je disais que c'est pas sur le fond. Je pense pas que les gens qui ne sont plus dans la rue soient pour autant pour la réforme à 64 ans. Mais pour autant, ils sont passés à autre chose. Vous, mais moi, je vous le dis solennellement, là aussi, on lâchera jamais l'affaire sur ce sujet. Jamais. C'est-à-dire que tôt ou tard, on utilisera tous les moyens possibles, tôt ou tard, la réforme sur la retraite à 64 ans sera abrogée dans ce pays. On le fera, s'il le faut, lors de notre prochaine niche parlementaire. On redéposera une proposition de loi d'abrogation. S'il y aura une discussion budgétaire à la fin de l'année sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on déposera des amendements pour abroger la retraite à 64 ans. Je vais vous donner un exemple. Dans le dernier discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale à la fin de l'année dernière, on avait déposé des amendements en disant qu'on se fixait l'objectif de la retraite à 60 ans. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient été jugés recevables, vous voyez ? Recevables. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils font pas de charges financières, c'est un objectif. Là, on avait déposé dans la niche Liotte, parce qu'on avait compris que Madame Braun-Pivet avait l'intention de censurer ses amendements. Il y avait quand même un peu un tour de passe-passe. On avait déposé d'autres amendements qui disaient « la nation se fixe l'objectif de l'abrogation de la retraite à 64 ans ». Ça ne crée aucune charge financière, vous êtes d'accord ? C'est un objectif. Elle les a jugés irrecevables. En vertu de quel article ? Voilà, la réalité, c'est qu'ils ont peur, ils avaient peur aujourd'hui de faire la démonstration qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale est hostile à cette réforme, et donc ils ont empêché le vote, et c'est extrêmement grave. On ne lâchera jamais l'affaire, voilà ce que vous dites, Manuel Bompard. J'ai des questions économiques, j'ai des questions aussi sur l'abaya, et j'ai des questions sur Tahabouaf. D'abord sur l'économie, les super profits des autoroutes seront sans doute taxés, et le ministre des Transports a demandé aux opérateurs d'autoroutes de faire un geste. Est-ce que ça vous paraît aller dans le sens de ce que vous auriez pu décider aussi? Mais c'est les ministres de ce gouvernement, c'est monsieur et madame, je demande. Alors, monsieur le maire, je demande s'il vous plaît aux entreprises qui font des profits extraordinaires d'en faire un petit peu moins. Je demande s'il vous plaît peut-être d'augmenter un peu les salaires. Il se passe jamais rien. Donc, ils vont demander, encore une fois, comme d'habitude, aux grandes concessions autoroutières, s'il vous plaît, faites un effort. Elles le feront pas. D'ailleurs. Elles vont faire un petit effort, hein, mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Écoutez, il faut avoir le journal, l'hebdomadaire. Le pass, il faut payer en chèque vacances. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'alinéas. Le journal Marianne a publié au mois de mars. Apolline Malherbe, le journal Marianne a publié au mois de mars un rapport qui démontre que monsieur Macron, quand il était ministre de l'économie, madame Borne, quand elle était directrice de cabinet au ministère de l'écologie, avait organisé le fait que les concessions, les sociétés autoroutières puissent faire des profits gigantesques et extraordinaires. Que leur rentabilité a été de 12%, je crois, alors qu'elle était prévue de 8%. Ça, c'est la réalité de la politique qui est mise en place. Donc, maintenant. Faudrait les renationaliser tout de suite. Mais bien sûr. Mais pour vous, il faut nationaliser. Écoutez, les autoroutes, elles ont été privatisées dans des conditions désastreuses. Et vous avez aujourd'hui des gens à qui on dit, faites des efforts, mais ils sont en train d'augmenter le prix des péages. Et dans le même temps, ils s'en mettent plein les poches. Ils se font des profits qui sont les des concessions profits d'autoroutes, gigantesques. Je rappelle, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Oui, mais pas par nous, en l'occurrence. Et je pense que ceux qui l'ont voté doivent avoir du mal à se regarder dans la glace aujourd'hui. Manuel Bompard, je voudrais que vous regardiez et que vous écoutiez ce reportage de Véronique Fèvre sur BFM TV à l'entrée de collège et de lycée à Lyon. Écoutez ces jeunes filles à propos du port de l'abaya. Sur 30, on doit être 16, 18. À quoi ? Sur 30 élèves, à porter des abayas, même des pas voilés. Hein. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal, ou des trucs comme ça. Il y en a, mais après, Il y en a aucun qui a osé parler, en fait. Des professeurs, désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que, volontairement ou non, les élèves qui portent l'abaya font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique c'est pour inventé, s'en prendre aux musulmans. C'est inventé, bah, ce je ne sais pas si c'est parce que je vous dis pas que le témoignage est inventé. Je trouve que l'écho médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je ne sais pas si vous n'avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler du burkini, donc vous avez trouvé les abayas. Et je pense que les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Vous voyez, donc de la chair à canon. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que vous faites en permanence. Et je pense que c'est assez insupportable. Maintenant, on va parler. Non, mais je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je suis pas obligé. Si on en parle, c'est uniquement pour en faire de la chair à canon médiatique. Je pense que vous donnez un écho médiatique à ces polémiques qui me paraît totalement disproportionné. Vous avez entendu la jeune fille, elle a quand même dit, on est 16 ou 18. Je vais répondre à vos questions. Vous voulez qu'on parle des difficultés à l'école? Parlons des difficultés. Non, vous répondez à mes questions. Ouais, mais moi d'abord. Là, j'ai une question, vous m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu qu'on avait un problème à en parler. Apolline de Malherbe, moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du fond? Pas vous qui allez décider ce que je vais dire à ma place. Ce que je pense du fond, il y a une loi, elle a été votée en 2004, une loi qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Il faut que cette loi soit appliquée, tout simplement. Donc, cette loi, elle s'applique, elle est appliquée aujourd'hui. Sur la situation des abayas, si j'ai bien compris l'application de la loi, lorsqu'une jeune fille arrive avec une tenue de cette nature, il y a une discussion entre elle et les directeurs d'établissement pour discuter avec elle de savoir si le port de ce vêtement correspond à une motivation religieuse ou pas. Et ensuite, les directeurs d'établissement considèrent si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, ils lui disent que ce n'est pas possible parce que ça ne respecte pas la loi. Et si ce n'est pas le cas, ils en restent là. Voilà. Et donc, je pense que cette loi doit être appliquée. Maintenant, puisque j'étais en train de vous dire ça et que je peux dire ce que je veux aussi sur ce plateau de télévision. Quand vous dites que la loi doit être appliquée, comme vous le savez, il y a évidemment une question qui est sur l'interprétation de la loi. Lorsqu'il y a 3-4 cas, en effet, comme vous dites, il n'y a pas de problème, les discussions se font. Ce que disent les professeurs dans le cas de ce lycée, le proviseur, c'est que quand il y a davantage, et la jeune fille elle-même dans son témoignage dit, sur 30 élèves, on doit être 16 ou 18 à porter l'abaya, vous comprenez bien que c'est difficile de discuter avec chacun à l'entrée chaque matin. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Mais je comprends que ça puisse être difficile, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Je ne sais pas, justement. Est-ce qu'il ne faut pas clarifier la loi ? Mais comment vous allez les clarifier ? Comment vous allez déterminer qu'un vêtement ample, parce que c'est une abaya, c'est un vêtement très ample, est un vêtement religieux, vous allez le déterminer par des critères. Alors, comment c'est ce que vous dit le recteur de votre académie, je l'ai reçu ce matin sur RMC, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, il a eu ce propos très précisément à mon antenne, il a dit l'abaya, c'est porter l'abaya, c'est manifester ostensiblement une conviction religieuse que la jeune fille cherche à imposer. Est-ce que ça, pour vous, ça doit être purement et simplement interdit, du coup, à partir du moment où on porte... Non, ça, c'est son point, ça, c'est son point de vue. Et... Non, c'est pas un point de vue, il est recteur d'Aix-Marseille, il a dit ça, c'est les faits. Parce qu'il est recteur d'Aix-Marseille, Apolline de Malherbe, qu'il exprime pas des points de vue. Donc pour vous, c'est pas une tenue religieuse. Non, mais attendez, c'est un point de vue, vous êtes d'accord, c'est son avis, il a le droit de le donner, Non, c'est la règle. Lui, le... il dit que c'est la règle, après, vous pouvez dire que c'est un point de vue, lui, il dit que c'est la règle. Je ne connais pas toutes les jeunes filles qui viennent à l'école avec une abaya. Je pense qu'elles ont des motivations très différentes, je pense que certaines peuvent avoir des motivations religieuses, d'autres peuvent avoir d'autres formes de motivation. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rencontrer ces jeunes filles et de discuter avec elles? Ça peut être quoi les autres motivations? Je sais pas, faut en discuter avec elle. Non, mais puisque vous dites qu'il y a d'autres motivations, c'est quoi les autres motivations? Mais je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, j'ai vu des syndicalistes de l'enseignement, par exemple hier dans la presse, qui se sont exprimés sur ce sujet et qui disent, par exemple, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est leur propos, que par exemple il peut y avoir des jeunes filles qui veulent venir avec un vêtement ample parce qu'elles ont pas forcément envie qu'on voit les formes de leur corps, etc. Ça peut exister aussi. Il y a aussi une autre question qui est la question de l'égalité homme-femme, et il y a des professeurs qui ont précisé que ces mêmes jeunes filles, c'est-à-dire celles qui portent la baya, sont aussi des jeunes filles qui refusent parfois la mixité, qui refusent y compris d'assister à des cours sur la condition de la femme, qui préfèrent avoir une sanction que de devoir dire que de devoir écrire sans doute dans leur copie que les femmes sont l'égale des hommes, qu'il y a une question sur ça c'est pas possible. Ça vous intéresse pas, qui est peut-être un lien entre le port de ce vêtement et la question du positionnement de la femme par rapport à l'homme, de l'égalité homme-femme, malheureusement, de l'avenir de ces jeunes malheureusement, filles malheureusement, sur le plan du travail, malheureusement, sur le plan d'égalité avec les hommes. Malherbe, les gens qui ont des problèmes avec l'égalité femme-homme dans ce pays, ça se réduit pas à des personnes qui peuvent porter des abayas. Ah bah ça, donc, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Qu'il y ait des cours. Simplement, moi, j'ai pensé que vous étiez toujours du côté de l'émancipation. Je le suis, mais je crois pas que l'émancipation, ça soit de commencer à déterminer à partir de quelle ampleur du vêtement ou longueur de la jupe. Non, mais par contre, la question de l'égalité homme-femme. Attendez, laissez-moi terminer. Quand vous posez une question, sinon c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. Je crois pas que être dans le sens de l'émancipation, c'est déterminer à la place d'une personne quelle doit être exactement la tenue qu'elle porte. Et je dis attention à cette logique. On va pas faire la police du vêtement. On va pas faire l'Iran à l'envers. Décider ça, c'est une tenue acceptable. Ça, c'est une tenue qui ne l'est pas. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des difficultés. Je pense que quand elles arrivent, vous devez les régler par la discussion. Et donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense, et d'ailleurs l'interview qu'on est en train d'avoir, elle est en train de le démontrer, que on est peut-être pas obligé sur ce type de sujet, traitons-les par les discussions localement quand il y a des situations qui se présentent. Karl Marx, c'était assez clair, hein, 15 la critique minutes. De la religion est la condition de toute critique. Mais puisque vous dites que ce mais n'est pas religieux, si vous êtes devenu, ça vous permet de pas avoir si vous critiquer. Êtes devenu marxiste, Apolline de Malherbe, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais vous savez, dans ce cas-là, je vous propose de lire Karl Marx en entier. Et Karl Marx, il dit, par exemple, que le système capitaliste est un système qui appauvrit, c'est un système qui exploite les êtres humains et la nature. Et comme moi, je suis effectivement marxiste, je pense qu'il faut lutter contre donc ce système capitaliste. Donc vous pensez comme lui que la critique de la religion est la condition de toute critique. Mais on a tout à fait le droit de critiquer la religion, et je suis très attaché au fait qu'on puisse critiquer la religion dans ce pays. Mais je dis, attention, ne confondons pas la critique d'une religion avec la stigmatisation des personnes qui la pratiquent. En forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cet air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes et vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France, celle ville qui ne possède en or que ses nuits blanches. Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende les collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Et qu'est-ce que tu suces, hein? Un noyau de pêche. Tu suces un noyau de pêche? Et pourquoi tu suces un noyau de pêche? Pour arrêter de fumer. Oh, ça marche pour arrêter de fumer, de sucer un noyau de pêche? Depuis que j'en suce, je fume pas, hein? Oh, mais tu fumais avant? Non. T'es toujours sur ton téléphone, toi, hein? Ton téléphone... Je suis sur Google, m'instruis, je me cultive. Tu peux tout savoir sur Google. T'es, par exemple, un tableau de Picasso. Si tu veux savoir de qui il est, ils te le disent. C'est tentant. Attends, c'est l'avenir, Internet, Facebook. Ouais. Si t'as rien à dire à un mec que tu connais pas, tu peux le faire. Ouais. Faudra que j'essaye. Ah, ouais. Ils m'ont demandé à la direction de te faire passer un test psychologique. Hein. Ah bon? Vas-y, ferme les yeux, Hubert. Ferme les yeux, tu me dis ce que t'en penses. De quoi? Vas-y, là, tu goûtes ça, attends que je mette ça. Voilà, ferme ça, voilà. Dis-moi comment tu le trouves, franchement, vas-y, allez. Vas-y, lâche-toi. Il y a un truc, hein. Oui, un truc, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, mais c'est pas ça, tu vois. Oui. Il manque quelque chose. Tu me fais plaisir, Gilbert, il manque quelque chose. C'est du 45, c'est pas du 51. 6 degrés, il manque. 6 degrés. Tu veux que je te dise, l'apéro, c'est comme la NASA. À 6 degrés près, tu peux rater l'objectif. Ouais, je vais se donner ça, tiens. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es à la mairie, Gilbert? 6 ans. 6 ans. Ouais. Moi, je dis, c'est le bon timing. J'ai dit, un type au bout de... J'en ai formé des types. Hein, un type au bout de 6 ans qui ne sait pas reconnaître le 45 du 51 les yeux fermés, c'est un type, il ne sera jamais fiable. Ah ouais. C'est un mec, quand il ne sera pas là, il ne répondra pas qu'il n'est pas présent. Cette phrase, il faudra que je m'en souvienne. C'est la philosophie, pratiquement. Attends, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le Bernard-Henri Lévy de la ville. Ah ouais? On est pareil. Grand brin frisé, pareil. Il y a peut-être qu'au niveau de vos femmes que ça diffère un peu, quand même. Tu la trouves pas bien, ma femme? Si, ma femme. Elle est plus mûre, quoi, je veux dire... Celle de Bernard-Henri Lévy est rajeunie d'année en année. Oui. Moi, d'après moi, si ça continue, l'année prochaine, elle fait sa communion. Hein. Tiens, Gilbert, maintenant, tu vas me goûter celui-là. Ah ouais, ça n'arrête pas aujourd'hui. Ah, mais c'est psychologique. Hein. Vas-y. Goûte, dis-moi. Franchement, hein, vas-y. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est du vrai, ça. Mais c'est du 51, c'est du vrai. Ah, voilà, là. C'est ça, la différence. Le 45, tu bois, t'es bourré, t'es con, le 51, c'est au-dessus, t'as des idées, quoi. Ah, ben ouais, de suite. Enfin, quand même, ça m'étonne toujours qu'il le garde secret. Et de quoi? Eh ben, le lieu où jaillit la source du Ricard. Tu vois, regarde, Contrexéville, Vittel, tu vois, tu sais d'où ça vient. Armagnac, Cognac, tu sais d'où ça vient. Alors que là... Ils disent rien, c'est le silence total. C'est le mutisme. Exactement, comme les révoltés du Bounty, pareil. Oui, à part qu'eux, on savait pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi ils se sont révoltés? Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'y en avait plus. De quoi? Et des Bounty. Non, Christian, tu déconnes là. Bounty, c'était le nom du bateau. Peut-être que c'est toi qui déconne. Qu'est-ce que tu lis trop Google, toi, hein? Tu lis ça sur Google, tu crois toutes les conneries qu'on t'a dit. Bounty, le nom du bateau. Mais oui, c'est le nom du bateau. T'as déjà vu un bateau qui s'appelle le Tritz? Quoi, ils se sont révoltés, les mecs du Tritz? Et non, justement, parce qu'il y en avait. Bon, de toute façon, il vaut mieux pas qu'on sache d'où ça vient. Parce que des fois, tu peux être déçu comme ça, tu vois. T'as un rêve mythique et t'es déçu, tu vois. T'as, par exemple, j'ai un oncle. Oui. Il avait un chien, tu sais, il l'avait amené en haut du mont Canigou dans les Pyrénées, tu sais. Parce que le chien, il mange que ça, tu vois. Et ben, arrivé en haut, il n'y avait pas l'usine. Il était déçu, le chien, il a pleuré et tout. Ouais, il se voyait repartir avec une boîte. Ben ouais, au moins des échantillons. Ouais. Non, ça le fait, ça. Tu peux être déçu. C'est pareil en haut du Mont Blanc, il n'y a même pas une boutique de crème. Rien que là, là. Même pas de stylo, rien. Ici, Gilbert, quand je t'entends comme ça, je me pose la question, si tu n'avais pas été employé municipal, ouais, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, ça, je ne sais pas. Moi, au départ, je voulais être pilote de chasse. Ah bon? Ouais. Et puis le médecin scolaire, il m'a dit, avec 7 dixièmes à l'œil droit, vous aurez du mal. Hein. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu vois, par exemple, t'es dans ton avion de chasse, ça va hyper vite. Ouais, tu vois. Ouais. Si tu vises que de l'œil gauche parce que t'as l'autre encombré, ça peut te créer, de la conjonctivite. De la conjonctivite, tu vois. Et là, je veux dire, à cette vitesse-là, ça pardonne pas, tu vois. Tu vises Lausanne, tu pètes Montreux, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'ai continué mes études, j'ai poursuivi mes études. C'est bien. T'es allé loin? Ah oui, 100 km aller-retour pour aller au collège à Montreux. Ouais. J'ai fait ma sixième, et là, à la fin de la sixième, le directeur, il a dit à mon père, bon, on va pouvoir le garder parce qu'il freine les autres. Ah ouais. Et c'est vrai que, tu sais, je me posais des questions, les autres, ils comprenaient rien, tu vois, et donc, ça les freinait. Donc, je suis parti dans le privé, là, j'ai fait ma cinquième, quatrième, et là, le prof principal, il a dit à mon père, c'est pas la peine de l'amener au brevet, on connaît déjà le résultat. Ah. Et c'est vrai que quand tu connais le résultat, t'es moins motivé, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Voilà. Donc, t'es rentré à la ville. Ah ben, de toute façon, il a dit, avec le bagage qu'il a, il a deux voies royales, soit l'armée, soit la ville. Ouais, ouais. Deux métiers où tu peux pas branler, quoi. Ah ben non, sinon ça se voit de suite. Donc j'ai choisi la ville. Concours de circonstances, oui. Ah bon? Ouais. C'est le maire, il avait un peu trop forcé sur un bain d'honneur, il a grillé la priorité à mon père, il y a pété la bagnole. Mon père, il était fou furieux, tu vois. Ouais. Ils se sont battus, au bout d'un moment, il a dit, oh, puisque c'est ça, j'appelle les flics. Et là, le maire, il a dit, attends, laisse tomber, je prends ton fils à la mairie. C'est comme ça que je suis rentré à la mairie. Comme quoi, on en revient toujours à l'alcool. C'est le point de départ. Exactement. Ouais. Ça part de l'alcool et ça arrive à l'alcool. Ouais, bien sûr. Et toi, t'es rentré comment à la mairie? Moi, je suis rentré par la grande porte. Ah ouais? J'ai fait l'ENZ. Waouh! L'ENA des employés municipaux. Oh oui. L'École nationale des employés municipaux. C'est de là où ils viennent, le Z. Ah ben oui, ils viennent de là et de Rodez, parce que c'est à Rodez. Ah, Rodez avec un Z encore. Aussi, oui, oui. C'était pas Zorro le directeur. Non. Rodez. Deux ans d'études, là, c'est la folie. Faut voir le campus de Rodez. C'est le seul campus où tu peux choper des renards. Ah oui. C'est Rodez, ça doit être difficile d'être sérieux pour continuer les études. Hein. C'est le Las Vegas de l'Aveyron, tu sais, ça. T'as des si tu fais pas gaffe, tu peux te retrouver sur une partie de belote ou de flipper. Ça, ah ben... Puis le tout, c'est de ne pas tomber les addictions, oui. Suppositoires, verveine et compagnie. Exactement. Ce qu'il faut bien à Rodez, comme au Locle d'ailleurs, c'est la fête du dégel. Ah ouais? C'est quand ça? Le 15 juin. Ah ouais. Marc, les examens sont finis, ça te laisse du temps libre. Ouais, exactement, oui. Bon, allez, on s'y met au boulot, on se le tape ce tas de feuilles. Putain, mais ils nous prennent pour des machines. Bon, attends, on n'arrête pas. Eh, vas-y. Attends, attends, je vibre. Tu vibres, t'as bien de la chance. Eh oui. Allô? Oui. Eh bien sûr, c'est moi, ouais, puisque tu m'appelles. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je bosse. Bien sûr qu'il est avec moi, Gilbert, puisqu'on est en doublette. Sans déconner, c'est pas vrai. Putain, je lui annonce. Non, j'y annonce. Gilbert, quoi? On vient de me charger de t'annoncer une nouvelle incroyable. Ah bon? Cette minute, tu vas te souvenir toute ta vie. Mais parle, putain, tu me fais peur. Je veux le dire, ça y est, c'est officiel. Tu viens d'être nommé, t'es titulaire. Je suis titulaire? T'es titulaire, Gilbert! Titulaire! Oh, putain, c'est génial, titulaire! Oh putain, ça me fout une pêche, ça! Une pêche pour? Et pour bosser, quoi. Mais t'es con ou quoi, t'es titulaire? T'es malade, quoi. T'es titulaire, quoi. Ah ouais, je peux chanter, alors. Eh bien sûr, tu peux chanter. Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais prouver que dans un tour de magie, c'est l'assistante qui fait tout le travail. Bah, tu plais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais refaire le tour du swag box, mais vu de derrière. Mais non, mais on va voir le truc. Mais non, ta gueule, la Gwynne. Si vous voulez voir le truc, applaudissez. Ah ben d'accord. Alors merci quoi. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si Tom dort point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dentelière, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure ne fâche auquet de brère, tâche au de l'endormir par un canchon. Ali dit Jomain Narcisse de Matara, du pain épice du Chicago-go, si que t'es sache que te fais dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si t'aimes dors point jusqu'à demain. Et si te me lèche faire une bonne semaine, j'irai dégager un bio-saro, un pantalon de drap, un gilet de laine, comme un petit milord te sera pharo. J't'accaterai le jour de l'ducasse, un porichinelle cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capio pointu. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si te dors point jusqu'à demain. Nous irons dans le cours, Jeannette à vague, vire les marionnettes comme te rira. Quand t'atteindras dire un doux poule Jacques, pas le porichinelle qui parle maga, te l'y mettra d'un smenote au lieu de tout pain rond de carotte, il dira merci pinche comme nous aurons du plaisir. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si te dors point jusqu'à demain. Et si par hasard Saint-Mette se fâche, c'est alors Narcisse que nous rirons. Sans avoir un vie, je prendrai m'nermache, je lui dirai son nom et ses surnoms. Je lui dirai des fariboles, il m'en répondra des drôles, enfin un chacun verra de pestac au lieu d'un. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si te dors point jusqu'à demain. Allons serre tes yeux, dorme un bonhomme, je vais dire une prière à petit Jésus, pour qu'il vienne y chipin dans ta somme, te faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus, pour qu'il t'apporte un coquille avec du chiro qui guille tout le long de ta main tendre pour les gras de rougeur et de long. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si te dors point jusqu'à demain. Le mot qui vient de Saint-Nicolas chez le fête, pour sûr au soir il viendra trouver. Il te fera un sermon et te léchera mettre un zou du ballot, un grand peignet. Il remplira si t'es sache de ses quoi qui traîneront bénache, sans chasse un baudet, un verra un bio-martinet. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te le fera du chagrin si te dors point jusqu'à demain. Ni les marionnettes, ni le pain n'est épices n'ont produit d'effet, mais le martinet a vite rapagé le petit narcisse qui craignot de vire arriver le beauté. Il a dix canchons d'ormoir, Eusmer, l'ami d'un snoche noir, a repris cinq coussins et répété vingt fauches refrains. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, t'en fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Alors maintenant, une petite revue de presse. La périnatalité dans le rouge en Lorraine. Eh oui, bah oui, parce que la natalité, c'est le chômage. Avoir des enfants, c'est fabriquer des chômeurs. C'est mettre au monde des chômeurs, c'est fabriquer de la misère. Eh oui, grand test, le taux de chômage au plus bas depuis 2008. Ça, c'est Vosges Matin du mardi 6 juin 2023. Hein. Dans le grand test, le taux de chômage a diminué de façon pratiquement constante en 2022 pour s'établir à 7% de la population active. 7% de la population active, c'est-à-dire quel pourcent de la population totale, à fin 2022, soit le niveau le plus faible depuis la crise financière de 2008. Oui. Non, mais les journaux, ils ne nous mentent jamais. Jamais. Ah, tiens, un vieux journal. Un vieux. Mais, oh là là, petites annonces classées. Offre d'emploi. Polyfibre. Recherche. Technicien, instrumentation, régulation, pneumatique, très expérimenté, position ETAM. Jeunes hommes libérés, service militaire, diplôme, école de filature ou niveau bac technique de sciences ex. Mécanicien, machine-outil, mécanicien, mécanique générale, en couleur, bonne expérience souhaitée, ouvrier spécialisé, textile de préférence, s'adresser à Bureau de la main-d'œuvre à Remiremont ou à Polyfibre, 88 Saint-Nabor. Voilà. Alors, il y en a un qui a ajouté au crayon, Poncelet, point de suspension, Nixon, point de suspension, chômage. Arbeitslos, dirait les Européens. Le 30-11-2020. Oui, il était question de ça dans Mosaïque, le 30-11-2020. Justice, procès, Sarkozy. L'ancien chef de l'État est jugé pour corruption et trafic d'influence à partir de ce lundi, le 30-11-2020, à Paris dans l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy s'y rendra plus combatif que jamais. « Je ne suis pas un pourri », se défend-il. Mais depuis, il s'est ramassé quand même... de la prison ferme, l'ancien président de la République pour lequel certains d'entre vous avaient voté. Eh oui, et quand on vote, quelquefois, on prend une part de la responsabilité. Les Allemands qui ont voté pour Hitler, ils ont une part de responsabilité dans les morts de la guerre 39-45. Eh oui, l'apparition des camps de concentration, etc., les fours crématoires, les chambres à gaz, j'en passe et les pires. Eh bien, les électeurs, ils ont une responsabilité. Oui, oui, oui. Alors, les Français sont responsables de quoi? Bon, allez, on va pas faire la liste. Serment du 8 juin 2023, nouvelle union populaire, écologique et sociale. Le 8 juin 2023, nous, députés membres de l'intergroupe de la NUPES, ou de la NUP, faisons aujourd'hui un serment solennel, attaché aux principes républicains les plus fondamentaux. Nous réaffirmons que le principe de toute souveraineté réside dans son peuple et sa représentation. Aussi, nous dénonçons avec la plus grande fermeté l'impossibilité qui nous a été faite ce jour de pouvoir examiner et voter l'abrogation de la retraite à 64 ans. C'était le 8 juin 2023. Fidèle à la volonté, pas le 6 juin de... Non, c'est le 8 juin. Fidèle à la volonté majoritaire du peuple français qui s'est constamment exprimée ces derniers mois, notamment par de nombreuses mobilisations et en phase avec l'ensemble des syndicats unis pour combattre ce projet, nous nous battrons pour l'abrogation de cette loi inique. Pas unique, inique. Nous réaffirmons un objectif commun avec le droit à la retraite à 60 ans. Nous faisons le serment d'agir sans relâche par tous les moyens institutionnels à notre disposition à l'occasion de nos journées d'initiative parlementaire, lors des débats budgétaires ou toute occasion opportune pour rassembler une majorité qui mettra fin à cette réforme injuste et injustifiée. Parce qu'il sait qu'il est minoritaire, le pouvoir actuel nous a empêchés de voter. Mais nul ne peut interdire durablement à un peuple libre de faire entendre sa volonté. C'est pourquoi nous faisons le serment de toujours défendre le Parlement contre toute volonté présidentielle visant à limiter ses droits. L'histoire nous a appris que, quand un pouvoir veut limiter ou étouffer les droits de son opposition, il limite en réalité les droits de tout son peuple. Unis, nous prenons l'engagement de toujours défendre la démocratie parlementaire, les droits des oppositions, la démocratie sociale et l'initiative citoyenne piétinée par les abus de l'exécutif. Il est temps de tourner la page de la Ve République. Il est temps de tourner la page de la Ve République. Le peuple peut compter sur notre détermination. Signé, les groupes parlementaires, membres de l'intergroupe de la NUPES. Alors, LFI, groupe socialiste apparenté, écologiste. Twitter. Didier Raoult. On est les gentils. On a passé 3 ans à soigner, guérir, rassurer, étudier cette maladie, travailler sans relâche, appeler des aides bénévoles et informer en permanence sur la maladie et sur nos résultats. On a été les premiers à tester les gens. Plus d'un million de tests et 250 000 personnes sont venues se faire tester. Les malades et leurs familles nous ont remerciés, couverts de lettres et de cadeaux, et nous avons publié plus d'articles scientifiques sur le Covid, plus de 500 que l'INSERM. En récompense, nous avons été insultés sur les réseaux, dans la presse, inspectés, menacés, poursuivis, diffamés, calomniés, renvoyés. Aucun de ceux qui ont sué sang et eau n'ont été récompensés, félicités, mais ceux qui nous ont insultés l'ont été. L'IHU qui a organisé cela est en cours de démantèlement. C'est nous qui avons fait notre devoir et notre métier. Et tout cela est transparent et grâce à notre série de 30 000 disponibles, des 30 000 disponibles pour l'histoire, c'est devenu aveuglant. Signé Didier Raoult, qui a écrit un livre de 381 pages et quelque chose que l'on lit presque aussi vite qu'un roman policier. Tellement il dit de choses intéressantes et qu'il les dit de façon intéressante. Alors autre chose, on change radicalement de sujet, Vosges. Conduite sous alcool. François Vanson écope de 2000 euros d'amende. Vous votez pour qui? Hein? Vous votez pour qui, vous? Hein? Depuis le temps que vous écoutez Radio Grimozo, vous votez pas pour des cons, des salopards et des pourritures, quand même. Ah ben non! Ah ben non! Oh. Vous votez pas pour le chômage, pour aggraver le chômage, pour augmenter le nombre de chômeurs, pour aggraver la vie des chômeurs. Non! Mais non! Des grands tests démographiques, la Lorraine pourrait perdre 446 000 habitants d'ici 2070. Ah bon? La Lorraine pourrait perdre des habitants. Comment ça se fait? Les élus, 5 000 euros par mois, 60 000 euros par an, 300 000 euros pour un mandat de 5 ans. Vous votez pour qui? Vous votez pour quoi? Hein? Allez. Marina, celle qui a défié Poutine, rencontre avec Marina Ovsyannikova, réfugiée à Paris, après avoir protesté contre la guerre de Vladimir Poutine, moins d'un mois après le début du conflit, en plein journal télévisé sur la chaîne officielle russe. Le 14 mars 2022, une pancarte bouscule le journal télévisé russe. Pas de guerre, arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande. Ici, ils vous mentent. Russe contre la guerre, est-il écrit en anglais et en russe. Voilà, il y a des gens qui sont courageux. Même parmi les journalistes. Eh oui, Il y a des vrais journalistes. Eh oui, ils sont pas tous vendus. Il y a des journalistes qui font leur métier, vraiment. Leur métier qui consiste à informer le monde, à informer les gens qui les payent. Décès de Bernard Pignerol, production de l'Élysée. Publié 24 mai 2023. Le droit et la gauche furent en effet les deux grandes causes de sa vie. Fils de résistant, militant trotskiste dès l'adolescence, puis engagé au sein de l'UNEF Renouveau, Bernard Pignerol explora chacune des nuances de la gauche, tirant de cet itinéraire une habileté pour servir de trait d'union entre elles. Aussi praticien que théoricien, il mena successivement des études de droit public et de philosophie du droit. Il combina sa rigueur juridique et sa conception passionnée de la fraternité pour devenir officier de protection de l'OFRA en 1983. L'année suivante commença le roman d'un long engagement dans la vie publique. En 1984, il participa ainsi à la fondation de SOS Racisme, aux côtés de Julien Adré et Harlem Désir. Bernard Pignerol devint le responsable du développement et le vice-président de l'association au début des années 1990. Militant dans l'âme, il s'engagea également, en 1988, au sein du courant gauche socialiste, fondé par Jean-Luc Mélenchon, où il repéra et conseilla plusieurs générations de futurs responsables politiques. En 1998, à sa sortie de l'École nationale d'administration au sein du Conseil d'État, Bernard Pignerol s'affirma comme un magistrat brillant, ainsi qu'un organisateur hors pair lorsque ses talents étaient sollicités par les figures de la gauche au pouvoir. De 2000 à 2002, il rejoignit comme conseiller spécial le cabinet de Jean-Luc Mélenchon, alors ministre délégué à l'enseignement professionnel. Eh oui. Avant d'accompagner Bertrand Delanoë à la mairie de Paris de 2007 à 2014, comme délégué général aux relations internationales et conseiller international, Bernard Pignerol poursuivit son aventure militante aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans toutes les campagnes des Insoumis à partir de 2017, puis à la tête de l'Institut La Boétie. Bernard Pignerol avait toujours placé la fraternité au cœur de ses engagements, et ainsi était-il reconnu comme tel. Le président de la République salue la mémoire d'un homme passionné par les arts, guidé par les idées, roué aux techniques de la politique et du droit. Il adresse ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et à tous ceux qui partagèrent ses combats. Silvio Berlusconi, les scandales en héritage. Alors, ce Bernard Tapie teinté de Sarkozy à l'italienne laisse un héritage peu flatteur. Ex-patron du Milan AC, il fut l'un des pionniers du foot business. Foot business, what is it? Homme de médias, son nom restera associé à la télé-poubelle, racoleuse et sexiste qui envahit les écrans dans les années 80. Pour le pire, le président du Conseil des ministres à trois reprises, Berlusconi, en flirtant opportunément avec l'extrême droite, a contribué à sa dédiabolisation et ouvert la voie à Giorgina Meloni. Accusé de faute fiscale, visé par une trentaine de procès, il incarne l'irruption du populisme et de l'affairisme en politique depuis plus de 20 ans. Au niveau international, on retiendra son amitié indéfectible avec l'infréquentable Poutine. Alors, il était le parrain politique de Giorgia Meloni. Voilà, ben oui. Hein. Ensuite, Vivatech. De l'IA, du business et Elon Musk. Oh, il n'y a pas trop de Français dans cette ligne-là. De l'intelligence artificielle à toutes les sauces, environ 2400 start-up, originaires d'une trentaine de pays, sont attendus aux côtés des investisseurs institutionnels et de grands groupes comme Audi, IBM, La Poste, LVMH, Microsoft, Google, Capgemini ou Total. à Elon Musk en invité vedette. En tout, près de 2000 invités venus du monde entier devraient faire le déplacement. Cette année, on a essayé de mettre la barre encore plus haut en termes d'opportunités de business. Ah oui. Intelligence artificielle, business. Ah, business. Eh oui, business. Le domicile des Sarkozy perquisitionné. Alors là, on est sur un journal plus récent. Mercredi 14 juin 2023. Alors, Marlène Schiappa doit être entendue ce mercredi par la commission d'enquête du Sénat pour clarifier son rôle dans la sélection des associations bénéficiaires de Fonds Marianne. Je reviens à enquête. Le domicile des Sarkozy perquisitionné. Plus de 600 000 euros dépensés. En début d'après-midi, Nicolas Sarkozy a rejoint en voiture son domicile dans une impasse privée du 16e arrondissement parisien pour faire l'objet d'une perquisition suivie de 6 enquêteurs. Selon l'analyse qui sera faite, il pourrait être mis hors de cause ou faire l'objet d'une convocation en vue d'une mise en examen. L'affaire, une de plus, hein, parce que l'affaire a explosé en novembre 2020 lorsque Ziad Takieddine, principal témoin à charge contre Nicolas Sarkozy depuis 2012, avait opéré une spectaculaire volte-face sur BFM TV, il faut dire, et Paris Match, en déclarant que l'ex-chef d'État n'avait pas touché un centime cash ou pas cash, cash, C-A-S-H. Hein, par CACHE, hein, pour l'élection présidentielle 2007 de la part du défunt dictateur libyen Muammar Kadhafi. Vous votez comment? Vous votez pour qui? Médicaments, une liste de relocalisation pour pallier les pénuries. Michel Etiévon. Je n'espère qu'une chose, que ceux qui déversent leur haine contre la CGT à longueur de médias dans la rue ou partout seront conséquents avec eux-mêmes et n'oseront pas cet été prendre leur congé payé. Ne se feront plus rembourser par la Sécu, la Sécurité sociale. Ne prendront pas de retraite. Travailleront jusqu'à 70 ans. N'oseront pas toucher les allocations familiales, la prime natale, le congé maternité. N'oseront pas utiliser la médecine du travail, les heures supplémentaires, tous les acquis à avantage de leur convention collective, c'est-à-dire tous les conquis que les copains de la CGT, vous savez, ceux qui les prennent en otage, leur ont obtenus au péril de leur vie parfois, pendant qu'eux se contentaient de regarder ou de faire la lèche au patron et aujourd'hui de les insulter. Voilà. Alors signé Michel Etiévon, écrivain, historien. Pour rappel, le RN, c'est-à-dire le Rassemblement National, a voté contre la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, revalorisation des salaires des sapeurs-pompiers, recrutement des sapeurs-pompiers supplémentaires, gratuité des cantines scolaires, revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%, revalorisation des retraites au niveau du SMIC, augmentation des moyens alloués aux hôpitaux, revalorisation des bourses étudiantes au niveau de l'inflation, une garantie d'autonomie de 1063 euros pour les étudiants et étudiantes. Et il y en a comme ça toute une page. Je ne vous ai lu que le début. La suite, ça sera un autre jour. Les médecins échappent à une installation sur ordonnance. L'Assemblée nationale a rejeté par 168 voix contre 127, l'amendement du groupe transpartisan, qui c'est, le journal n'y précise pas. Le journal n'est peut-être pas chargé de nous informer, il est peut-être juste chargé de nous déformer. Hein? Eh oui. L'amendement transpartisan a été rejeté par 121. Les négociations conventionnelles sur les tarifs de consultation médicale après l'été, le vote d'un texte restreignant la liberté d'installation des médecins libéraux a aggravé les tensions entre la politique et les médecins, déjà extrêmement remontées contre les exécutifs depuis l'automne. Alors, voilà. 2 points de la population. Oui, bon, hein, oui, on verra, on va surveiller ça. La philosophie comme dernière épreuve écrite du baccalauréat, eh oui, dernière épreuve, dernière, Dernière. Trop de philosophie, la Macronie en souffrirait. Intelligence artificielle. L'Union européenne veut limiter les dégâts potentiels. L'Union européenne est en bonne voie pour devenir la première instance au monde à encadrer par la loi l'intelligence artificielle. Alors, intelligence naturelle, humaine, égale chômage, injustice, guerre. Eh oui, parce que l'intelligence a produit depuis des siècles des millions de morts. Eh oui, l'intelligence artificielle, naturelle n'est pas si intelligente que ça. Non. La France veut expérimenter la reconnaissance faciale. Oh oui, bon, ça se fait déjà. Oui. Affaire à suivre, hein. Ah, oh là là là. À surveiller très attentivement. Des absents qui pourraient peser lourd. C'est les élections, un casting chamboulé pour les élections sénatoriales. Alors, casting, what is it? Ça tire à U et à Dia. Et les ajustements semblent compliqués, surtout à gauche. Les candidats du RN, en revanche, sont déjà dans les starting blocks. Starting block, what is it? In French, please. Hein, voilà. Alors, des absents qui pourraient peser lourd. Oui, Philippe Nachbar, LR, 73 ans, a tiré sa révérence avant l'heure. Hein. L'ancien maire de Jarny a passé 30 ans, 2 mois et 30 jours dans l'hémicycle de la Haute Assemblée. Et Philippe Nachbar, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ce nom-là? Il a fait quoi? Il a servi à quoi? Eh bien, vous l'avez payé pendant 30 ans quand même. Hein? Vous l'avez engraissé pendant 30 ans. Eh oui, c'est pendant 30 ans, on a pris sur une part de votre paye pour payer ce genre d'individu. Comme Gérard Longuet, par exemple. Hein? Eh oui, plusieurs fois ministre, notamment en responsabilité de la Défense, sous Nicolas Sarkozy. Le Meusien aura marqué la Lorraine comme président de région en 1992-2004. Oh oui, c'était quelqu'un de bien, ce type-là. Ouais. Et puis Jean-Louis Masson, qui figure actuellement dans les rangs du groupe RN et apparenté. Ah, quel beau monde tout ça, quel beau monde, quelle mafia. Alors, IA, c'est pas IAN, c'est IA. IAN, c'est le cri de l'âne, qui est l'animal le plus stupide qui puisse exister, hein, l'âne. Encore que. On pourrait lui faire passer des tests à l'âne. Et aux hommes politiques et aux électeurs qui les mettent en place. Alors, voilà. Alors, avancées technologiques portées par les majors américaines et chinoises de la tech. Major, hein, de la tech. T-E-C-H, ah oui. À contrôler aussi ceux qui, derrière, sont susceptibles de manipuler les esprits. Les populations et de corroder à l'acide numérique la souveraineté des nations. Et oui. L'intelligence artificielle. Des peuples qui élisent Trump, Macron, etc. L'intelligence collective, l'intelligence humaine, qui permet d'élire des Trump, des Macron et tout le reste. Hein? Eh oui, les électeurs sont pas des imbéciles. Pour avoir une carte d'électeur, il faut passer un examen, comme pour le permis de conduire. Eh oui. Ah ben, on laisse pas conduire une voiture, un véhicule à n'importe qui, ça pourrait être dangereux. Eh ben oui, les élections, c'est pareil. Oui, il y a un examen. Pour avoir droit à une carte d'électeur, eh ben oui, si on a le rôle des cons, on n'a pas le droit de voter. Eh ben, c'est normal. Hein? Santé publique, lutter contre le tabagisme coûte cher, mais rapporte encore plus. Le tabagisme rapporte beaucoup par la lutte contre le tabagisme. Une télémédecine autour des praticiens spécialistes. Et oui, c'était à Mircourt, le docteur, comment il s'appelle, Gauthier, Jean-Jacques Gauthier, électeur et élu, et présidait cette chose-là, voilà. Eh oui. Ah, électrice, électeur.